IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comment vas-tu Adrien? Je te l'ai même pas vraiment demandé. Des fois, on fait semblant de se demander comment ça va pour les auditeurs, quoi, tu vois. Ah bon? Non, mais genre, on se voit avant. Ah oui, et d'accord. On sait déjà comment ça va. Il était trahi sur notre amitié. Vraiment... Tu fais semblant de ne prendre des nouvelles de moi. Non, je dis, comment ça? J'ai vu dans ses yeux le quoi, depuis 10 ans. Ça t'intéresse pas? Depuis 10 ans, je suis juste un collègue. Parce que je t'ai tout dit, quoi. Mais là, je t'ai pas demandé quand t'es arrivé. C'est ça vrai, c'est vrai. Comment vas-tu? En vrai, ça va bien. Déjà, parce que j'étais malade et ça va mieux. Ah oui, oui, c'est vrai. Et puis il fait beau et puis bon après reste que le Front National est aux portes du pouvoir donc ça j'avoue ça que ça pèse un peu l'ambiance dans la balance de l'autre côté mais... Alors c'est un peu différent de d'habitude parce que là on a qu'un seul invité aujourd'hui, ça sent un peu la fin de l'année quoi. On bosse moins, on va ramener le papier brossard. Non mais j'étais malade, on a c'est eu ça. Des voilà, on devait on a enregistrer, de... machin, ça a été le bordel et personne ne voulait être invité avec lui, c'était très alors, compliqué. Alors je voulais faire cette blague, mais je commence quand même à me dire c'était un peu dernière minute, mais peut-être que je veux juste la liste et je vais vous dire si c'est justifié ou pas. Oui, oui, ça je comprends. Bon, finalement c'est normal. Mais alors notre invité, c'est pas la première fois qu'il vient, ça vous fait grave plaisir de le retrouver. Notre invité fait du stand-up et si vous en doutez, vous avez qu'à vérifier son pseudo Insta car c'est genre carrément dedans. Il a plusieurs podcasts, dont le plus récent Podcastos avec Pierre Thévenoud et Franjo. Il a aussi un prénom qui commence par un Us qui n'est pas si commun. Allez, trouvez un autre prénom. Ursule. Bon, allez. Un Ursule ? Ulysse. Bah non, une Ursule. Ursule, ah, le prénom Ursule. Ah oui, c'est vrai. Putain, un prénom d'homme, tu veux dire ? Ouais, j'avais pas moi. Bah, parce que Hugo maintenant ça existe sans H. Hugo, ouais. Non, tu sais, Hugo. Ah oui, oui, bah c'est un allemand quoi. Bon, bref, ouais, c'est Urbain. Merci. Quelle belle intro. Il y avait Ulysse, c'est pas un prénom Ulysse? Bah oui, oui Ulysse, bien ça sûr. Marche. Allez, Ulysse. Si j'avais eu un fils, j'aurais aimé l'appeler Ulysse. Est-ce qu'il serait sur son 31? Ouais, blague de geek. C'est pour les geeks con, ça. Ça, c'est pour les geeks. Bah, c'était nul d'ailleurs, Ulysse 31, on peut le dire. Ah, j'ai jamais regardé moi. Ah, mais arrête, il aime bien détruire les idoles urbaines. Ah ouais, pardon. Mais je comprends. Non, mais moi j'en ai rien à foutre. J'ai jamais regardé, je crois. Adrien a un t-shirt Star Trek là actuellement. Tous les vieux dessins animés de Tonton, Albator et tout, j'ai un peu tout essayé de regarder. Ulysse 31, c'était globalement nul. T'as quel âge déjà, Urbain? Devine. 36. Exactement. Donc, c'est chiant d'avoir exactement son âge. Tu. Enfin, de paraître exactement son âge. C'est ça, ouais. Il ouais. n'y a pas de. Ah, un peu. Ouais, enfin. Bon, ouais, 36, ouais. Quoi. Voilà. Non, mais du coup, Ulysse 31, c'était ta jeunesse, donc c'était déjà un peu fini, toi. Non, c'est complètement fini, je te dis. Ouais, c'est ça. C'est même pas les grands frères, c'est 10 ans avant moi. Ouais. C'est les années 80, c'est Albator. C'est Adrien, un petit les peu. Les vieux, ouais. Là. Non, mais toi, t'as pas Ulysse 31, t'es encore après. Ah, si, moi, j'ai 44. Ah, ouais. Mais des fois. Toi, tu les fais pas, par contre. À chaque fois, quand même, tu les fais pas. À chaque fois. À chaque, alors, fois. À chaque fois que tu prends un an, tu fais pas l'année non, mais que t'as ça, pris. Ça non, mais grignote. Tout le monde lui dit, je veux dire. Oui, tout le monde lui dit. Tout le monde ça, dit. Mais ça, de moins en moins quand même. Ça grignote. Là, je suis en train de rattraper mon âge. Le Covid a été une catastrophe, je pense. Non. C'est vrai qu'avant le Covid, quand je disais mon âge, les gens ils disaient oh, oh. Et maintenant ouais, ils font une ah, crise cardiaque visiblement. Ce que tu viens de faire, tu vois. Disent, ah putain, ah ouais. Ah, ouais. Avant c'était. Avant, ah, il se faisait non, un rakiri, bon, il s'ouvrait la gorge. C'était Nassim Liesse qui est sur le tournage de Groom, ouais, qui m'a dit bon quoi. Après bon, il a fait un sac derrière. Il a coup de un requin. Il m'a mis un coup de pierre tourné. L'homme extrêmement beau là. C'est oui, ça. L'homme beau de sous la scène. De plein de trucs. Bah de plein de choses, bien sûr. Mais récemment très compliqué de. J'ai quand même tourné deux saisons de Groom à ses côtés, ce sera difficile quoi. Après d'avoir déjà que j'avais une gueule de merde dans Groom. Mais ceci dit, moi je te rappelle que les gens me donnent plus. Parce que moi j'ai 32. Ah, oui. La petite anecdote avec Charlotte et. Charlotte Gainsbourg, évidemment. Charlotte Gainsbourg qui dit ah, mais t'as 32 ans, je te donnais plus. Je dis, ah ouais, tu donnais combien? 40. Oh. Alors c'est beaucoup plus, Charlotte. C'est vraiment un chiffre bien plus énorme. Ouais, mais si ça se trouve, elle aurait pas fait le film si elle t'avait pris pour un gamin. Peut-être. Ah, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Non, mais je pense que dans sa tête, c'était un compliment. Du genre, je te oui, donnais 40 tellement t'étais. Ouais. Je sais pas à toi de le dire. Là, calme-toi. Il a complété ma réponse. Moi, père. quand je me suis dit ah il a l'âge de mon petit frère Flo, ça m'a fait bizarre. Mais c'est parce qu'en fait t'es là depuis longtemps et t'as fait des trucs. Eh oui, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie. Imagine. Oui, oui, j'ai... mais d'ailleurs c'était même mon petit truc. Là pour le coup c'est le truc que j'ai moins, c'est qu'il y avait le côté ah t'es jeune pour faire tant de trucs et j'étais genre ouais ouf, ça va c'est cool. Ouais, maintenant c'est, j'ai c'est juste bien. L'âge de faire les trucs c'est que ça. Ça oui bah ça moi j'ai eu ce truc de ah t'es jeune puis après j'ai rien fait et on m'a juste dit oui oui bon bah c'est normal que... là c'est bizarre que t'aies rien fait maintenant là. Ouais. Ça devient chelou. Mais du coup je tiens à dire que votre amitié est presque bizarre du coup maintenant. Ces 12 ans d'écart ne me vont pas du tout. Je trouve presque un peu chelou. Bah là, c'est ce qu'on s'était dit une fois, j'avais remarqué qu'Adrien était plus proche de l'âge de ma mère que du mien. Ouais. Par oh, exemple, parce que ouais, vu que ma mère m'a eu jeune, ah il ouais. est beaucoup plus. Enfin, beaucoup. Pas beaucoup. De 2-3 ans, plus proche de ma mère que de moi. Mmh. Bon, bah ça confirme ma théorie. On va passer au jeu du Floodcast, chers amis. Le pape a organisé une rencontre avec près de 100 personnes. Le pape a... Le pape. François. Ok. Hein. Okay. Ouais, moi je l'appelle le pape, mais. A organisé une rencontre avec près de 100 personnes qui avaient tous un point commun. Lequel? Les humoristes. Très bonne réponse de Urbain. Il y a stand-up dans son nom d'Insta. Il... ouais. Tout ce qui est sur l'humour. Il y avait Conan O'Brien, Jim Gaffigan, Chris Rock et Whoopi Goldberg, ouais. Mike Birbiglia, Julien Louis-Dreyfus également. Oh. Et il y avait des Français. Est-ce que vous savez quel Français il y avait? Redouane Bougaraba. Gad, du coup? Redouane Bougaraba. Non. Ah ouais? Alors. Non mais sérieux, il a tout fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il fait le Vélodrome là. On parle de ça, ouais, il fait le Vélodrome ouais. aujourd'hui. J'espère bah. Qu'il l'a roasté. Ouais, le connaissant, c'est oh. sûrement son genre. Ah mais c'est sûr qu'en tout cas, il fait des blagues ce soir devant 40 000 Marseillais sur comment il a vu ouais. la bite du pape et tout. C'est sûr. Sûr. Bah, mais cela dit, il y a pas de photo avec Bougaraba. Enfin, il a été annoncé, mais il y a pas de photo avec Bougaraba et le pape. Putain, il l'a ghosté. Bah, je sais pas si du coup il est pas allé ou je ne sais quoi. Connaissant Redouane, il a pu oublier. Il a une anecdote connue. Il a raté Zizou alors que c'est son idole. Est-ce qu'il a pris le mauvais ravion? Donc il a peut-être le mauvais raté... ravion. Ouais. Hein, vraiment une liaison assez folle là. Le mot mauvais avec un R à la fin. J'aurais jamais dû dire le truc sur l'amitié. Je vais prendre cher. Tu viens de donner une note un petit peu à cet épisode. Ça fait depuis tout à l'heure. Et regarde, première erreur. Première erreur. Dis une merde. Vas-y, Romain Seneuve, vas-y. Fais une erreur, tu vois. Mais en revanche, il y a un autre humoriste. Et là, pour le coup, il y a des photos et tout. Et qui était présent, un humoriste français. Gad? Pas Gad. Bah, lui, bah, ça aurait été logique. Bah, oui, il oui. vient de faire sa conversion et tout. Bah, quoi. C'est ça. De quoi? Quoi? Bah, il a fait tout un coming out chrétien. Ah ouais? Mais le film. C'était oui, son film sur ça. Pas pour autant. Tu n'écris pas la biographie de Gad Elmaleh, c'est non, ça que tu es en train de me dire? Je me suis pas trop renseigné. Ah, bah, d'accord, il a. Je savais pas. Ok. Il a trouvé la voix de Jésus. Ce n'est pas une femme. Un humoriste. Plus de 40 ans? Je pense, oui. Ouais, mais il connaît que. Enfin, bon, ouais. Ulysse 31. Attendez, je vérifie son âge. Attends, une femme. Non, pas du tout, justement. Un homme. J'ai dit non quand il a dit une femme. Oui, oui. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est pas une femme. Le prends pas personne. Bon, et c'est méga connu par rapport à Redouane. Ah, ouais. Bah, c'est pas la même génération, puisque là, l'humoriste qu'on cherche a 48 ans. Mais franchement, il est très connu. Tout, okay. Enfin, tout le monde connaît, quoi. Vous, bah, vous connaissez. Elise Moon. Jamel. Non, pas Jamel, pas Elise Moon. Ramzy. Pas Ramzy. Il est plus trop humoriste, Ramzy. Ouais, là c'est vraiment un gars qui fait encore de la scène. Il fait encore de la scène. Il fait encore de la scène. Alors, Dubosc est trop vieux. Ah. 48 ans. 48, oui, c'est. Enfin, Palmade, j'y crois pas. Même s'il y aura un petit tour dans le confessionnal à faire un petit peu. Ce serait un peu long. Je pense qu'il le garde. Ouais, je pense que là, avec ce level de conneries, c'est directement le pape, c'est pas le curé ouais, du oui, coin. C'est qui va avoir pour, faut un gros, gros level. Pour, 48. Je sais pas, ça va vous aider, son âge. Mais non. Mais en tout cas, c'est cette génération-là. Et il n'a pas fait tant de spectacles. Parce qu'il n'est pas que humoriste. Commandeur? Non, mais voilà, on est plus sur ces gens-là qui font des spectacles Chris qui remplissent Esquer. Très bien. Pas Chris Esquer, mais plus Commandeur. Manu Payette. Très bonne réponse. Ah, oui. Manu Payette, qui est allé avec sa maman. Il me chambrait, hein. J'ai dit la bonne réponse, il était en train de dire bah, n'importe quoi. Manu Payette. Non, c'est pas pour ça que je disais. Je sais plus pourquoi j'ai dit n'importe quoi, mais c'était pas Manu Payet. Manu Payette, t'as bien fait la Manu Payère, d'ailleurs on pourrait l'appeler. Payère. Il donne vie au sourire d'un enfant et illumine pour un instant le regard désespéré d'une personne seule. Par le spectacle et la fête, il rapproche les hommes des uns des autres. Qu'est-ce que c'est? C'est ainsi que le 16 décembre 1993, Jean-Paul II s'est adressé aux gens du cirque. C'est la première fois que le pape parlait, en tout cas, à des artistes réunis dans une salle. Les gens du cirque, c'est, on nous a déjà appelé les saltimbanques et tous les gens du cirque, c'est quand même. Non, mais là, à l'époque, c'était des vrais gens du cirque. Ah, okay, c'est vraiment. Et depuis. Ben, j'ai cru que c'est ce qu'il avait dit au comique. Ouais. C'est ça, les gens du cirque. Les gens du cirque. Alors, mais là, c'est la première fois que le pape, c'était le vendredi 14 juin, a rencontré plus de 100 artistes, comédiens et humoristes provenant principalement d'Europe et du côté. Je me permets, 100 artistes. Ça y est, je vous ai contaminé. Voilà. Non, mais voilà, maintenant je. Et combien ils sont allés pour un 5 minutes? Bah, alors. Attends, ils ont fait une représentation devant le pape? Non, ils sont venus rencontrer le pape. Le pape a fait un discours. Okay. Mais il y a une vidéo que je trouve personnellement un peu gênante où ils essayent tous un peu d'attirer l'attention du pape et faire des blagues. Oh. Et donc t'as un peu. Tous les gens quand même très marrants du game, mais du coup tu se ridiculisent un peu devant le pape. Et du coup c'est un petit peu nul. Ça m'a déçu de certains. Pour Jim Gaffigan, je savais qu'il était à fond, mais c'est même pas. Tu peux être religieux et tout, mais le pape, c'est comme rencontrer un président. On sait qu'il a des saloperies, quoi. Il a des dossiers. En plus, c'est là, le pape, il a sorti quoi. Des dingueries, je crois, sur. Non, mais bon, écoute, ils ont fait leur coming out religieux pour certains. Il y a plein. J'étais con, tu vois, Conan, je m'étais jamais dit. Ouais. Bah c'est. Après, c'est toujours un truc où je me demande. Moi, ça m'intéresse pas du tout. En plus, je suis pas du tout sensible à tout ça. Mais enfin, nous, on a. Enfin, Big Flo et Oli, ils avaient rencontré le pape. Il y avait Bigard aussi qui avait rencontré le pape. En vrai, ça commence à plus du tout être cool. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des célébrités de ouf non plus. Enfin, à un moment. Non. Mais voilà. Souvent, t'as l'impression. Et Payet a fait ça. Je sais que Big Flo, pour l'avoir parlé avec lui, c'était aussi par rapport à son rep. C'est, ils ramènent leurs parents. Enfin, des fois, c'est vraiment un truc. Ah, mais je capte. Hein. Tu vois, ça. Bah, c'est moi, un... j'ai été baptisé. Moi, je fais ça avec ma mère, c'est pour Nagui. Voilà. C'est moins cool. Mais quand même, le pape François, il reconnaît l'impact considérable de l'art de la comédie dans le monde de la culture contemporaine, grâce au talent humoristique et à la valeur unificatrice. Il s'est bien mouillé, hein. L'art de la comédie peut contribuer à un monde plus empathique et plus sympathique. Ce qui me fait rire, s'il a invité Redouane, je pense qu'il a pas regardé le special sur Amazon. Plus empathique, plus sympa. Et pendant son discours, le pape a enfoncé son pouce dans son oreille droite et agiter ses doigts, un geste qui a provoqué rire et applaudissements. Bon, ah ouais, l'humour à l'ancienne. Il a des auteurs, je vais leur faire ma meilleure routine, le pouce dans l'oreille, quoi. Je les imagine tous faire, ah, trop bien le pape et tout, t'as mis ton marrant. Pouce. Putain, mais du coup, je le confonds, le pape, c'est quand même pas... Non, putain, j'étais en train sur le Dalai Lama, là, j'étais sur ce... Il s'est fait sucer la langue. Voilà. Ouais. Il a demandé. Consentement, quand même. Mais et donc oui, il y avait beaucoup de... Mais c'est vrai que moi j'en ai un peu rien à... Enfin, c'est vrai que c'est bizarre toujours ce truc de rencontrer des grands de ce monde. Ça m'a jamais vraiment... Du coup, faut demander, on me demande, c'est comme la Légion d'honneur. Je pense qu'on me demande, je pense pas qu'ils aient réclamé ce truc-là. Redouane n'y est pas allé, c'est sûr, s'il n'y a pas la photo, c'est qu'il n'y est pas allé. Donc, j'appelle cette personne qui me dit immédiatement, ah ouais, j'ai zappé frérot. c'est sûr, il a zappé. Bah, cela dit, c'était entre deux, enfin là en ce moment, effectivement, parce qu'il a fait Paris, enfin il a fait deux Bercy, Marseille, donc c'était pile entre les trucs, ça l'arrangeait peut-être pas. Ou alors peut-être que le pape est ce soir au Vélodrome, ce qui est possible aussi, peut-être qu'il le ramène. Il fait direct. La première partie de Redouane, ça serait incroyable. La première partie avec Cyril Gann. Bah, c'est le pape ou Zizou, mais il y en aura un des deux. Vous, il y a quelqu'un, s'il vous invite, vous y allez tout de suite. Quelqu'un qui. Ah. Et pas forcément dans le monde de la comédie. Une espèce de personnalité. Ah, putain, c'est intéressant ça. Tu vois, une personnalité qui. Qui est pas du tout dans. On va dire pas du tout dans l'entertainment et c'est tout ça. C'est ça. Disons, quelqu'un. En fait, dès que moi c'est officiel, ça me fait un peu peur. Ouais. Parce qu'en plus, je sais que moi, j'aurais pas. Je suis quand même quelqu'un de poli, ça se voit pas. Ouais. Mais je pense que si je suis dans ce truc. Genre, si je croise Macron. J'oserais pas faire le gars, je te sers pas la main, gros, et tout. Je serais très gentil avec Macron. Ouais. Alors qu'en fait, je lui en veux. Est-ce que c'est poli ou est-ce que c'est lâche? Non, mais en vrai, c'est une question que je me poserais si j'étais sportif. Si je vois Macron en pleine crise de. Ouais. De, je sais pas, des retraites ou quand ça tapait sur les gilets jaunes, et si j'étais un sportif là où il serre la main de tout le monde, il y en a un carrément, et un rugbyman, ça me fait marrer, il s'est mis à genoux direct parce que dans sa culture maori, le boss, faut se mettre à genoux mettre les deux trucs comme ça. Et il y en a un qui lui a dit, c'était un truc connu, il lui a dit, Manu, mes papiers quoi. Il lui a dit ça, il faut penser à mes papiers, ma naturalisation et tout quoi. Et il l'a eu, comme quoi. Politique, non. Non, ouais, politique, parce que même si c'est des gens que j'aime bien, je sais que la déception, Mélenchon. Mais tu vois, c'est ça. Je pense qu'à une époque j'aurais dit ah Mélenchon pourquoi pas, maintenant jamais de la vie quoi. Ouais, donc, c'est ça. T'as trop à perdre, c'est ça. Ouais. Si c'est un politique. Voter Front Populaire quand même. Tout de même, évidemment. Mais il faut. Ouais, la politique, t'as trop à perdre. Ouais, je pense au niveau. Et puis moi j'ai jamais. Enfin, c'est marrant, j'en parlais à des potes qui ont eu plus une éducation avec ça. Moi j'ai pas du tout été dans une famille anarchiste ou quoi que ce soit, mais vraiment. tous pourris, tous des cons, tous des merdes. Donc j'ai aucun respect particulier ça, avec c'est le... pas oui, c'est pas anarchiste, c'est Rassemblement National, ça ça. Non mais voilà, mais c'est, j'avais des parents pas du tout intéressés par la politique, donc j'ai aucun respect sur enfin j'ai aucun respect. Je pour moi, c'est des gens normaux, quoi. Je m'en fous. Tu vois. J'ai pas un truc spécial à devoir à qui que ce soit, quoi. Je dis ça, je l'ai fait moi pour un truc minable en plus. Ah ouais. Je l'ai fait. Il y avait Clermont-Ferrand, de ma ville, qui devait être capitale de la culture européenne. Ils se sont battus contre. On a perdu contre un sous-roubé, une merde. C'est n'importe quoi. En plus, on a perdu, quoi. Mais du coup, il y avait un dîner avec les personnalités de Clermont. Donc, t'imagines si je suis dedans, à quel point on a des gens connus. Et je me suis retrouvé dans une table avec un député macroniste, l'adjoint au maire et tout. Et je me suis d'ailleurs rendu compte très vite comment ça marchait la politique. Un, j'y suis allé pour une truffade et rien du tout. Et j'ai dit, super les gars, donc je suis vraiment achetable pour 4 francs. Et de deux, j'ai vraiment compris comment ça marchait la politique, parce qu'en vrai, si je voulais mon comédie club à Clermont et deux trucs, je les avais direct. J'avais tous les contacts, ça va trop vite. Tu bouffes avec eux, t'es sympa. Ils disent, bah, il est bien lui, on le connaît. Enfin, ça va trop vite en fait. Bah, donc, c'est pour ça, ouais, trop peur, moi. J'aurais dû faire en fait. C'est, pour finir, je serais un T'aurais dû te mettre à genoux, mettre les mains. Non, mais des sportifs peut-être. Ah oui, j'en parlais dans Podcast Sauce il n'y a pas longtemps, Zizou. Ouais. Zizou. Ouais. Mais après, moi, il y a trop En vrai, si c'est pas des hommes politiques, moi, plus ou moins n'importe qui. Mais genre, je suis fan de tellement de trucs. Moi, des musiciens, enfin, on revient à l'entertainment un petit peu, mais. Moi, je sais que des musiciens, j'ai vraiment un côté fan total où je peux... Alors, j'ai un tout petit problème avec les musiciens, c'est qu'il y en a beaucoup que j'aime énormément, mais je déteste ce qu'ils font dernièrement. Je leur en veux énormément. Ouais. Mais il y en a plein comme ça où j'aurais pas envie de les rencontrer parce que déçu ou parce que moi, je sais que je vais mentir en disant « Eh bien, ta dernière chanson », alors que... T'es pas obligé de dire ça. Ouais. Moi, alors, de la petite expérience que j'ai eue en fréquentant des gens connus en faisant un film, les gens n'ont aucun problème à dire... La vérité, si je mens, tu vois, et rien d'autre. Enfin, tu vois, les gens sont quand même ça, même moi, en tant que gars qui crée des trucs, je sais qu'il faut pas leur. Je sais que c'est moi, je suis hyper mal à l'aise quand des journalistes invitent quelqu'un qui fait un nouveau truc et ah, c'était quand même bien. Tu vois, il fait enfin, je suis là pour autre chose. Tout ça me déprime, moi. Ah, moi, je trouve que ça fait partie du jeu un peu. Moi, je sais que il y a encore, enfin, pour le coup, je compare pas. On est personne. Enfin, je suis personne, mais Golden Moustache et tout, on m'en parle encore beaucoup et j'ai pas un truc de. Enfin, ça me fait plaisir encore, quoi. J'ai un espèce de truc de. En fait, surtout qu'il y a un truc très mignon sur Gamusa, c'est peut-être un peu différent. C'est que les gens, souvent, ils disent on était gamins. Donc il y a un truc un peu mignon de. Ah, vous m'avez accompagné quand j'étais gosse, machin. Mais moi, c'est arrivé plein de fois de. Eh, vous faites quoi maintenant? Je fais bah quand même, je fais deux, trois trucs. Moi, c'est plus ça. Ça, c'est côté, dur. Et donc, tu fais plus. Tu fais... Moi, il y a. Il y a un mec qui m'a dit c'était en plus c'était un truc c'était un resto qui s'appelle le Grand Breguet, je sais pas si vous voyez, où en gros t'es avec un plateau et puis c'est vraiment comme une cantoche, quoi. C'est un flunch en gros, un flunch de luxe, c'est un peu ça, ouais. C'était pas de luxe. Non, mais c'est très à la bonne franquette et c'est vraiment tu dis je vais prendre ça, le mec il te sert, enfin c'est comme un self, quoi. C'est un self, t'es un peu ça, dans une école. On a pensé jeter du pain, c'était génial. Non, et le mec il me dit mais attends, je t'ai déjà vu sur YouTube et tout. Donc je dis oui, Golden Moussa, je pense et tout. Il me dit ouais. Il me dit, puis maintenant tu fais plus, enfin je sais plus, il me dit tu fais plus rien et tout. Et j'ai dit bah si, mais maintenant je fais plus des séries, des films et tout. Il fait ah ouais. Et je dis ouais, moi, je suis plutôt. Et en fait, je finis pas ma phrase. Il fait ouais, derrière la caméra. Je fais ouais, bon, pas du tout derrière la caméra. Je viens de te dire, je suis toujours acteur, mais lui dans sa tête, c'est genre tu es plus acteur, quoi. Les gens, s'ils te connaissent pas d'un truc, ou même quand Topito marchait bien, il y a des gens qui t'avaient. En fait, on a dû s'adapter pendant 8 ans de médias. Donc à un moment on était gros sur YouTube, puis à un moment ça marche plus YouTube, on est devenu énorme sur Instagram, et du coup les gens de YouTube ils pensaient qu'on était mort, alors qu'en fait l'entreprise elle était beaucoup plus grosse, elle faisait beaucoup plus de vues. Ils disaient ah c'est fini, alors là, c'était bien. Alors en fait c'est pas du tout fini. Est-ce qu'ils disaient dans Pito c'est finito ou pas? Ouais, ben ils ont un peu dit. Mais c'est incroyable ça, parce que ils ont un peu dit, ils ont un peu dit, ouais. C'est très drôle, c'est Jérôme Niel a vécu la même chose. C'est-à-dire que Jérôme Niel, donc quand même très connu sur YouTube machin, il va sur Insta, ce qui lui quand même permet de faire un spectacle. Enfin, genre, ça a vraiment explosé sur Insta. Ouais. Il a fait une vidéo avec McFly et Carlito ou avec Squeezie. Et tous les top commentaires, c'était « Oh là, ça fait trop plaisir de revoir Jérôme Niel et tout, oui, ça faisait longtemps !» Alors que tu dis « Mais là, c'est Internet les deux. Enfin, vous avez vraiment une utilisation beaucoup différente. » Beaucoup de gens ont un réseau. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. dingue. On s'est rendu compte, nous aussi, pareil, à l'époque de Topito, à un moment, on n'avait plus du tout fait Snapchat. On avait dit « C'est marrant, Snapchat. Mmh. » Puis on avait refait un truc, on poste un truc, on fait 2 millions de vues. Ah ouais. Et ça, en fait, c'était ouais. redevenu énorme. Il y avait plein de gens qui disaient « Ah, vous êtes là ouais. !» Et ouais. en fait, non, il y a des gens, ils ont qu'un réseau, quoi. C'est ça. Et nous, on en a 5, apparemment, parce qu'on est happé par ça. Oui, c'est ça. Je vais vous faire une contre-question. Si ouais, je vous dis Marc Maron. Marc Maron, ouais. L'humoriste, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Lui, gros podcast, à un moment, on lui a dit « Bon, bah, Barack Obama, il veut faire chez toi. Ouais. » Et il l'a fait, alors que lui aussi, il chiait sur tout le monde. Ouais. Et là, d'un coup, on a vu l'humoriste révérencieux. Ouais. Je me souviens être en mode « Oh putain, il y a le président et ouais. tout. Ouais. » Est-ce que vous, si c'est un gros gars de la politique, vous dites « Non, non. C'est sûr que non. Sûr que non. » Moi, j'étais même, je vais tout te dire, et je leur demanderai par texto. Tu vas si tout dire, tu vas tout balancer. Je vais tout balancer, et je demanderai par texto si j'ai le droit de tout balancer. Mais quand Macron a demandé à McFly et Carlito, on en parlait à leurs proches, et moi je leur ai dit, les gars, ne le faites surtout pas, c'est n'importe quoi, c'est une connerie, vous en avez pas besoin, lui en a grave besoin. Vous venez d'avoir, enfin, ils avaient eu Will Smith 3 mois avant le drame, je vous le rappelle. Ouais, ouais. Mais Will Smith, il est pas allé voir le pape. Et, ouais, attends, non, mais Macron, il avait pris une claque aussi. Il y a peut-être un truc, si tu vas chez McFly et Carlito. Ah oui, il a pris une claque. Vous êtes déjà au top, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un président. Et en gros, c'est là où on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, parce que eux, et je parle de à l'époque, c'est pas, ils sont plus du tout dans le même état d'esprit. Ils avaient plutôt le truc du ça n'a jamais été fait. Même aucun YouTuber n'a jamais reçu un président dans n'importe quel pays, etc. Donc il n'y avait même pas. Enfin, on n'était même pas sur le même. C'est de l'ego, quoi. Ouais, non, et on n'était pas sur le même débat, en fait. Parce que moi, je parlais justement, bah, Macron, c'est compliqué, la politique, et vous n'avez pas besoin de ça. Et eux disaient, on va escalader les restes, quoi. Enfin, on va faire un truc que j'ai jamais vu. C'est le même débat, en vrai. C'est le même débat. Ouais. C'est juste que il y avait un truc d'ego qui prenait le dessus. C'est ça. C'est mais ça, nous, trop flatté, t'es trop. Ouais. Mais c'est justement là où tu sais que tu vas pas arriver à être normal. Puis de toute façon, tu peux même pas pour des raisons légales, je crois. Tu poses la question. Oui, et eux, justement, ils avaient ça à cœur de se dire, non. On va être nous-mêmes, on va tout faire pour, et c'est là où la politique est très forte. Mais lui, parce que ça n'a pas été le cas, mais eux, ils se sont dit, on vient avec notre décor, on ramène Ultra Vomit, enfin tu vois, un truc de vraiment, c'est nous qui décidons grosso modo comment ça se passe. Bah, c'est des gens trop forts, les politiques. Bah, oui. C'est vraiment, c'est genre, il nous a tous retournés, quoi, tu vois. Ah, mais c'est ça, j'en ai aucun doute. Ouais, et même moi, pour le coup, je suis assez fasciné par la politique. Ça m'intéresse comme du sport, je regarde ça depuis que je suis tout petit. Pour le coup, on était très politisés dans ma famille. Ouais. Et du coup, même les reportages là-dessus et tout, donc j'aime bien. Donc si je vois un gars, même vraiment de droite, j'aurais envie de lui parler, donc je peux pas faire ça en tant qu'artiste, quoi. Ouais. Surtout pas lui servir la soupe, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Et je pense que t'es un petit peu obligé parce que tu le rends sympathique et de machin. Donc bah, avec coup... Topito, on l'a fait avec Jean Lassalle. On a fait plein de trucs pour le rendre sympa. Pire, et après il dit les gonzesses, c'est tout, tu remerdes, qu'est-ce qu'on a fait. Oh, non, quelle erreur. Mais même Conan, hein, il a eu Joe Biden là il y a pas longtemps. Enfin, eux, ils ont un truc très logique avec ça. Ça, faut le faire parce qu'il va claquer dans vraiment la dernière tournée. Faut y aller. Obama, il avait fait Between Two Ferns aussi. Mais il y avait eu plein de choses. C'est un peu plus. Obama, il est marrant après. En fait, c'est ça le problème. C'est il ramène Ken Peel sur son truc. Enfin, il avait fait plein de choses. Non, mais il est vraiment marrant. Ouais. Mais il a vraiment tué plein de gens avec un drone. C'est vraiment les deux, quoi. Mais bon, ça rattrape. Si tu fais une bonne blague après, les gens font. Et ça passe. Mais une fois que t'as compris dans ce métier que personne ne te demande des trucs gratuitement, à la cool, tu fais le tri beaucoup plus vite. Tu réfléchis parce que. Faut vraiment être stupide pour dire, ah, c'est pour mes beaux yeux, quoi. Ouais, ça serait ouf d'ailleurs que Macron aille voir un abonné à 32 types, tu sais, Néo 74. Il a vachement bien fait un truc avec toi. Mais vous savez grâce à qui McFly et Carlito ont fait une vidéo chez Macron? Grâce au co-animateur de Podcastos, Franjo. Quoi? Tu l'as pas? Bah, il joue dans le clip. Dans le clip de Mettez des masques, là. Je me souviens d'un monde où on mettait des masques. Ouais. Il y a deux keufs à la fin. De toute façon, je sais que faire un truc avec Franjo, ça va retomber sur la gueule. Avec Pierre Thévenot, on le sait depuis le début. On en parlait dans ton épisode. À la fin, il y a deux flics avec des masques et un des deux est joué par Franjo. Ah oui, c'est vrai, et c'est oui. Franjo. Franjo, pardon. Oui. C'est François-Joseph. Pardon, excusez-moi. Ça lui va bien, Franjo. Cela dit, tu justifies en disant c'est François-Joseph, donc Franjo, normalement. Oui, c'est vrai. S'il s'appelait François-Johnny. C'est vrai, c'est vrai. Mais lui, oui, pour le coup, il s'est vraiment construit pendant le Covid. Tout tu ne nous on se fout de sa gueule dans le podcast en disant qu'il est allé platiste avec lui. C'est vrai qu'il et tout, il a des les antisystèmes. Ce qui fait que ce podcast aura toujours un problème parce que Pierre Thévenoud se fait traiter de gaucho de France Inter. Moi j'ai des potes qui me disent votre pote platiste ça va pas du tout, donc on a essayé quand même de rassembler tout ça. C'est ça qui marche, je trouve. C'est ça qui fait que ça a un équilibre qui marche, quoi, je trouve. Ouais, d'ailleurs on a fait plein d'épisodes où moi je suis pas là, où Pierre est pas là et Franck je vais pas là, et ça part soit d'un côté soit de l'autre. Ouais, il y a vraiment un équilibre parfait, voilà, du trio qui s'est bien trouvé. Savez-vous quel est l'objet le plus recherché sur Vinted? Est-ce que ça appartient à quelqu'un de connu? Pas du tout. Alors sachez que c'est pas un objet, c'est un type de. Enfin, c'est ça. Ouais. C'est pas un objet en particulier, c'est plutôt. Je vous demande, est-ce que c'est, je sais pas, une paire vieux de chaussures, les vieux maillots de foot. Pas des vieux maillots de foot. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Vieux maillot de foot. J'ai une anecdote. Il y a un pote qui cherche un maillot de foot et qui avait vu le parfait, mais il y a écrit pour Bruno. Ah oui. Ça rend fou. Et il est genre, mais putain, pourquoi ce mec a demandé pour Bruno? C'est floqué pour Bruno. Bah en fait le mec non, a dédicacé. Il est signé le maillot. Il est dédicacé par le joueur, un joueur qu'il adore. Bon, j'y connais rien en foot. Okay. Sauf que le mec a dit pour, a écrit pour Bruno. Et donc du coup il est genre, mais putain, sans le pour Bruno, c'était le t-shirt parfait. Et c'est absolument gâché. Je comprends. Donc c'est plus en fait l'objet le plus recherché. Donc c'est voilà, c'est pas un truc très précis. Je parle vraiment d'un modèle, d'une marque en particulier. Attends. C'est pas très précis, mais tu dis c'est un... donc c'est. Non, mais genre c'est pas un truc dédicacé par quelqu'un. Oui, oui, connu, d'accord, oui, c'est ou ça. C'est pas, voilà. C'est pas le truc du Wu-Tang là, le truc Ralph Lauren. Non, non. Est-ce que non, vous pouvez d'abord trouver peut-être un la marque et après c'est la marque ou l'objet. Non, mais voilà, grosse, c'est de... grosse c'est... marque, genre Dior et tout. Voilà, c'est pas Dior, mais c'est ça. C'est du luxe. Un objet, c'est du luxe. C'est un objet d'une marque en particulier. Louis Vuitton. C'est Louis Vuitton. Et un est-ce sac? Que c'est un sac? Parce que j'ai trouvé la news il y a longtemps. Tout à fait. Très bonne réponse, Adrien Vianel. C'est un sac, le Neverfull. Vous le connaissez, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le marketplace. C'est le sac avec lequel t'es arrivé, je crois. Ouais. Il me semble. J'en ai trois. Si, apparemment, c'est recherché. Je savais pas. Apparemment, je suis blindé. Je peux arrêter l'humour. Le marketplace vient de sortir son premier rapport de tendance dédié au luxe le 24 mai 2024. Et les résultats basés sur les données de janvier 2020 à avril 2024 en disent long sur la relation des Européens au luxe de seconde main. C'est vrai, moi j'aurais trop peur parce que déjà Vinted mettre des sommes de plus de 100 euros, ça me terrifie, quoi. Tu dis, ben, ça va être... Ouais, et puis là ça doit être vérifié. C'est tous les marchés comme ça où t'es pas sûr de c'est vrai ou c'est faux. Ça te questionne sur à quel point c'est con en fait. Genre les cartes de Pokémon là machin et qu'il y en a une qui vaut 1 million, mais si c'est faux ça vaut plus rien. Mais les deux c'est du carton, mais il y a des gars qui sont payés pour identifier si c'est la vraie ou pas. Et je pense qu'à un moment il y a un gars qui va dire bah oui, si vous voulez, c'est la vraie. Enfin, c'est la différence entre. C'est ça. Et puis c'est même, t'es confronté avec ces deux, c'est quand même fou philosophiquement parce que si toi-même t'arrives pas à faire la différence entre un vrai et un faux, ça veut dire que c'est la même merde. Oui, oui. Et donc du coup, il y en a un qui vaut 1 million et l'autre 0, alors que toi-même si tu sais pas, alors que entre un Picasso et une belle merde, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, normalement, oui, entre oui. un truc qui a de la valeur et un truc qui a pas de valeur, le dernier des pignons, tu pourrais le voir. Oui, oui, si oui, en fait, si de façon évidente, il y a pas de différence, c'est que ça vaut pas cette différence de prix, quoi. Exactement. Ben non, mais. Vous venez de rencarder le monde moderne. Big Flo là, tes cartes Pokémon. Mais d'ailleurs, c'est pas Vuitton. Il y a une histoire célèbre, mais c'est peut-être une connerie de gars du marketing qu'ils avaient essayé de faire. Allez, on fait un sac pour les pauvres. Ouais. Ils le mettent à 100 balles. Et puis, ça marche pas du tout. Et il y a un génie du marketing qui a dit allez, on va le remettre à 2000 et ça a cartonné. Oh. Ah ouais. Parce qu'en fait, les gens veulent payer cher. Sinon, oui. c'est la merde. Parce que c'est le principe du luxe en fait. Il n'y a rien qui justifie le prix en réalité, quoi. Bah là, de toute façon, les tops du truc, c'est que. Contrairement à ce qu'a dit Léna Situation à cette antenne même. Rien ne justifie ce prix à part que vous voulez montrer que vous êtes riche. Il y aura une petite chronique de Adrien revient sur des épisodes. C'est vrai il n'osait pas trop parce qu'il n'était pas forcément à l'aise avec. Et c'est vrai que moi j'aime bien les trucs de riche. De... Si un gars s'achète une putain de Batmobile qui fait tous les trucs de la Batmobile et qui me dit ça vaut 850 000 balles, je dis ben oui. Oui, oui. Mais si c'est un truc effectivement, tu peux pas savoir que c'est cher, c'est con, quoi. Il faut qu'on te dise ah au fait c'est cher. Oui oui c'est ça. Et au fait si on décide c'est plus cher. En fait moi c'est si un mec il sort d'une grotte, il voit le truc, il fait ah c'est cher mais je comprends. Ok, mais si c'est un mec qui sort d'une grotte et il dit je comprends pas pourquoi c'est cher, bah je sais pas si je suis clair. Ouais. Non, je suis Platon en fait. Ah ok pardon. On l'a pas. Non, parce que si hors oui. toutes les constructions sociales et tout, ouais, quelqu'un ouais. qui comprend. Tu vois, une Batmobile, même un mec avec une grotte toute sa vie, il sort, il fait bah attends, ça fait un milliard de trucs, c'est trop stylé. Bien sûr. Je comprends que c'est cher. Oui. Mais si c'est juste une bagnole et qui ressemble à une autre, sauf que celle-là, elle coûte le double. Mais moi, j'ai ça même avec les Tesla, je les trouve pas spécialement. Enfin, tout le monde en fait des caisses. Attention, elles peuvent faire des paix. Oui, je sais bien. Mais je. Déjà, pour moi, c'est bon. J'ai raté ça. Bah, tu sais pas, tu peux faire des bruits de paix avec une Tesla. Tu peux même dire j'imagine que... le vendeur qui a fait toutes les options, qui arrive pas à la vendre et qui au bout d'un moment dit bon, écoutez, dernière chance, après je mets la clé sous la porte. Mettez un paix. Mettez quand on met le clignot, ça fait un bruit de paix. Bon ben bah, bon, allez. Prends 10. Il a essayé, ça faisait. Il a dit mais non, mais pas le même paix à chaque fois. Mettez des paix aléatoires. Et là ça a cartonné. T'as le film. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est le Steve Jobs, mais voilà, sur la Tesla, bah, qui prouve cet abruti de Musk, quoi. Donc, bah, c'est pas étonnant qu'elle fasse des paix, malheureusement. Bah, mais malheureusement, j'adore. C'est mon problème. C'est mon problème avec la Tesla, c'est que c'est vraiment une bagnole au trou du cul. Mais ouais. à chaque fois, j'en ai même conduit une que j'ai défoncé. Ah ouais. J'ai loué une Tesla et je l'ai vraiment éraflé. Ah, en fait, au lieu de regarder le clignot, il fait des proutes tout le temps. Si tu veux. Sur l'autoroute à 180. Ah, c'était terrible. Mais c'est j'ai vraiment dit, marrant. J'ai dit regarder le clignot tellement je ne conduis pas. C'est regarder le rétro, évidemment. Parce que regarder le clignot, ça n'a pas de sens. Non. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est stressant en plus. Moi, j'ai pas de truc de luxe. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai acheté un iPhone, je l'ai eu très tard, moi, l'iPhone. J'avais pas de téléphone stylé. Enfin, j'avais voilà, des trucs pas chers, quoi. Mais j'avais vraiment mon cerveau qui me disait, mais j'ai un truc trop cher dans ma poche. Ouais, il y avait une crainte, une peur, un truc de ce n'est pas logique d'avoir autant d'argent dans ma poche. Vas-y. Bah, moi, j'y pense tout le temps. Quand je pense que le Rassemblement National et tout, et on passe de la vie à nous parler de l'insécurité. Moi, de savoir qu'il y a des gens aussi pauvres en France et qu'on a tous plus ou moins 700 balles dans nos poches et que c'est pas Mad Max, je ne comprends pas. Ouais. Je te jure, moi, pareil, moi si je suis à découvert, je vous défonce tous vos portables. Je veux que ça soit clair. Je n'arrive même pas. Je trouve que les pauvres sont d'une gentillesse dans ce pays. Ouais. On a 700 balles sur nous et la plupart, on est des bolos pas costauds. J'en volerai 1000 par jour. Ça dépasse, à la moitié de la poche. Non, mais ouais, alors là, alors ça, je n'arrive pas à faire marcher ça en stand-up. Ça fait des années que je veux faire un sketch sur les gens qu'on. Ça me rend ouf. Ouais. J'ai envie de les voler. J'ai envie de les voler pour leur montrer oh la vie c'est dur. Fais attention. Mais oui, attention à ce que tu fais. Ça me rend ouf. Ça m'en ouf. Bon bref. Mais il y avait un truc de hélas Louis C.K. non mais où il disait je comprends, tu sais quand il dit quand je vois un clodo qui a rien, qui est à côté d'une meuf hyper riche, hyper bien coiffée et tout, dans ma tête je me dis mais tu l'as. Exactement. Ben voilà, ben c'est exactement ce principe. C'est vrai qu'il y a un truc. Donc c'est bien que nous on ait de l'argent Adrien à peu près pour vivre parce que apparemment ce serait vraiment les personne derniers en sécurité autour d'eux. Est-ce que vous achetez des trucs sur Vinted un petit peu? Ah oui. Ouais, c'est pas sponsor, je te rassure. Bah, ma casquette avec laquelle je suis arrivé. Mon truc du Bayern avec lequel je suis arrivé aussi. Voilà. Mais moi je suis un peu comme toi, c'est des espèces de petits trucs un peu précis comme ça. Attends, t'as pas vu la casquette, je crois. J'ai une petite niche pour toi si tu veux. Ah ouais? C'est un pote qui. J'avais pas compris pourquoi c'était pas cher. Ce sweat du Bayern là, tous les footeux m'en parlent. Ouais. Comme ils me voient, putain, un truc vintage, ça doit valoir cher. Il dit, oh, j'ai acheté 20 balles à un Italien. Ouais. Et parce qu'en fait, je pense que. Il y a un pote qui m'a dit, mais oui, parce que pour ton ami Rital. C'est pas vraiment des fringues, ça. Ouais. Je lui ai acheté des t-shirts de groupe et des trucs qui pour moi valent de la thune. Il me dit, mais non, mais c'est pour eux, les fringues, c'est important. C'est genre des costumes et tout, ils ont la classe. Ouais. Là, pour eux, c'est de la merde. Donc, ils te le voient en mode 20 balles, il est trop c'est con. Ça. Moi, j'ai ça avec les t-shirts de groupe où tu sens que c'est des gens qui, ouais, j'écoutais Green Day quand j'avais 15 ans. Maintenant, je m'en bats les couilles. Mais, mais justement, sur Vinted, t'as pas vu que c'est abusé? Il y en a qui c'est. Mais les t-shirts des années 90, il y a des groupes, c'est 350, 400 balles. Pearl Jams, il y a des trucs, c'est impossible à trouver d'époque. Alors qu'en plus, d'époque, ils étaient nuls parce qu'ils étaient hyper mal taillés, très grands, plutôt moches. Tu les fais 6 fois la machine, ça dégage. Mais alors, putain, je repense, il y a un t-shirt d'Offspring que j'avais, il coûte 400 balles, quoi. Ah ouais, putain. C'est trop. Ouais, bon, voilà. Donc c'est ça mon pitch mignon sur Vinted. Ouais, c'est ça, mais je comprends. Moi, ouais, des sweats d'une marque particulière qui est Russell Athletics, qui n'existe plus et qui ont une bonne gueule. Donc j'en achète quelques-uns. Mais ouais, j'achète de temps en temps. Ah oui, les culottes sales des meufs que je demande à porter. Pardon, ah ouais, bien sûr, voilà. Pardon, Urbain. Bien sûr, Bah si, non, mais bah, du coup, je lui dis d'abord, elle a un truc. Moi, je lui dis, tu peux m'envoyer une photo portée. Et après, combien de semaines? On en avait parlé. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça aussi, oui. Ça, j'avais zappé. J'ai dit Russell. Non, c'est ça. Pardon. J'ai confondu les deux trucs. Avec un pote. C'était un nom de code, en fait. Avec un pote, et en l'occurrence, c'est Jean-Baptiste Toussaint. Il y a un truc qui nous rend fou. C'est les gens qui prennent des photos de leurs trucs sur un Vinted et on voit voit un peu des bouts de leurs pieds. Et ça m'énerve. C'est genre, tu peux rogner un petit peu. Tu sais, genre les photos de leurs t-shirts par terre ou des trucs. Bah, et tu vois des bouts de leurs pieds, des bouts de leurs trucs. Et tu sais, j'ai entendu parler d'un truc de. Bon, maintenant, c'est sexualiser les pieds pour la nouvelle génération. Oui, oui, oui. C'est normal parce qu'il y a plein de comptes OnlyFans et tout, plein de gars comme ça. Et ben maintenant. Ils veulent plus montrer leurs pieds gratuitement, les ados américains. Ils sont en mode non, ça vaut des thunes. Ouais, je mets plus de tongs, quoi. Oui, les ça. Gars, c'est, ça vaut des thunes, ça. C'est plus de. Donc, ils peuvent tomber de haut, ça se trouve. Ils croient que leurs pieds sont beaux, alors que c'est pas non plus une folie, quoi. Ouais, mais tu moi, je pensais pas. Que j'avais des pieds cool, et quand la troisième personne m'a dit. Bon, non, mais. Comment quoi, pas quand des pieds de hobbit, non. En fait, j'avais pas de valeur de beauté des pieds, je pensais que j'avais des pieds normaux, quoi. Au bout de 6 mois, mon compte OnlyFans n'a pas décollé. Je me suis dit, putain, pourtant, je faisais des réducs. 0,50 j'envoyais les photos gratos. Moi, je sais que j'ai des pieds moches, moi. Vilain. Ouais. J'ai les orteils, moi, qui. Parce que ma théorie, c'est que je marchais beaucoup sur la pointe des pieds quand j'étais petit. Et du allez, coup, Black Swan. Exactement. Mais après, je danse comme un dieu. Donc... non, mais. Et du coup, mes orteils, ils sont un peu. Ils partent sur les côtés, en fait. Parce que tu sais, quand t'es sur la pointe des pieds, tes orteils, ils sont un peu écrasés. Et du coup, je pense qu'ils sont un peu déformés, ils partent sur les côtés. Putain, Adrien, tu sais qu'on me l'a dit que tu dansais bien. C'est genre plusieurs personnes différentes me l'ont dit, quoi. Ah, bah, bien sûr. Mais d'ailleurs, les gens qui l'ont reconnu, ils parlent pas de Golden Moustache et tout, ils lui parlent de la danse. Il dit refais là le petit move. Le petit move que t'as fait à la concrète là. Non, mais. Oui, c'est un très grand danseur, Adrien. Non, mais attendez. Non, mais il y a une énergie. En tout cas, il y a une énergie. Et puis surtout, ils m'ont peut-être vu danser il y a 10 ans quoi. Maintenant, c'est plus la même limonade quoi. Non, mais il y a une énergie. C'est-à-dire qu'il y a une énergie. Et puis il y a quand même des mouvements. Tu fais genre, mais il y a quand même des mouvements non, précis. Non, non, t'as fait du hip-hop, c'est ça. On m'a dit que c'était plutôt. Non, c'est pas une blague. Attends, non, je te jure, comment on m'avait dit que c'était genre. Hip-hop. Avec les requins marteaux, là, quand vous taguez des métros. Non, vous faisiez pas ça. Pour non, moi, mais... tu sais, tourner sur la tête, quoi. Tu sais faire la bague. Qu'est-ce que c'est que ça. En plus, ça collait avec le fait qu'en fait, t'as aussi joué au basket. Je me suis dit, en fait, il est hip-hop, il est street, Adrien. Il a vécu des années 90. Il est le prince de Bel Air. Pour moi, c'est le prince de Bel Air. Non, je danse pas du tout le hip-hop. Pas du tout. C'est du jazz moderne. Non mais je suis pas. Non mais je bouge bien mon corps quoi. Mais oui c'est pas, ça. Des fois il y a une petite musique. Même s'il est assis, il peut faire oh. Et il tangue un peu. Tu vois c'est des. Il se laisse dominer par la à musique. À l'Alpe d'Huez, il y a la femme d'un auteur célèbre qui m'a demandé si je donnais des cours de Zumba. Femme de Marc Lévy. Il a pas voulu dire le nom. Mais c'était la femme de Marc Lévy. Alors selon une étude publiée mercredi. Pourquoi il dit l'auteur? Pour me faire faire du montage. Pour me faire faire du montage. Mais est-ce que avant que tu dises l'auteur, on va garder pour garder le doute? Oui je trouve toujours un petit truc. Après il hein. Y a aussi y a les bips hein. On met des bips. On en a rien à foutre. Ça crée on du. On peut biper le nom. Et du coup ça fait le côté genre ah oh, il a dit ouais, pour bah, de vrai. Bip le gars qui a écrit. Selon une étude publiée mercredi, on a découvert la présence de choses dans le pénis que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Quelque chose qui détériore les cellules humaines et qui pourrait être la cause de magnifiques érections gâchées. Ah, je sais. Qu'est-ce que c'est pas l'épiphase. C'est pas les polluants internels, là, le truc. Parce qu'ils en ont trouvé dans les couilles. Non, en plus, c'est des poils à frire. C'est du plastique, c'est ça. Alors, peut-être vous dites la même chose. Bah, c'est ça, moi, le truc. C'est l'épiphase, là, les polluants internels, ils en ont trouvé dans les couilles. Alors, ils en avaient effectivement trouvé dans les couilles. Avant, c'était dans les poils à frire. C'est pâle. Et ils ont dit, c'est les couilles aussi. Et là, du coup, c'est devenu un sujet. Du coup, on a checké. Ouais, c'est aussi les couilles. Dans les poils, personne n'avait rien à foutre. Les gars essaient de faire péter l'histoire, peut-être. Il y en a les poils, ça. On s'en fout. Il y en a les couilles. Ah! Non mais je pense qu'ils ont appliqué la théorie, tu sais, de si les hommes avaient leurs règles, il y aurait, enfin, la pilule, ce serait gratos, ah, oui, machin, oui, voilà, etc. Ouais. Donc ils ont dit, on va dire que c'est dans les couilles, on va voir si ça bouge un peu. Et ouais. Alors ils ont trouvé la solution en 2 jours. L'étude a été menée grâce à l'analyse du tissu pénien de 5 hommes opérés en raison de dysfonctionnement érectile. Des microplastiques ont été observés dans 4 cas, 7 types de microplastiques. Ah donc c'est ça, c'est microplastique. Oui, c'est ça, c'est ah, et c'est notre nouvelle excuse quand on bande pas. C'est ça, j'ai putain, mais ça c'est Evian. Putain de merde de plastique à la con là. Hey, t'as une gourde ou pas? Bah c'est ta faute. J'ai une gourde en inox, j'aurais dû acheter. Merde. Des microplastiques avaient déjà été découverts dans les testicules et le sperme. Voilà, des testicules effectivement. Maintenant que leur présence dans le pénis est avérée, il faut aussi identifier s'il existe un lien entre microplastiques et dysfonctionnement érectile et s'il y a un niveau à partir duquel cela peut entraîner des pathologies. Non, mais là... c'est bien qu'ils aient trouvé un truc quand même. Et oui, mais attends, ils ont dit il faut encore établir oui, le il faut lien. Encore établir oui, le lien. Je pense c'est dès que le mec a fait les analyses, il a dit bah c'est pour ça. Oui, c'est sûr. Ils ont dit attends, c'est pas sûr encore. Non, mais c'est sûr. Attends, je bois plein d'eau, je bande jamais. Quand j'étais jeune, je bandais de ouf. Genre, ça s'est arrêté en vieillissant, n'importe quoi. C'est plastique. C'est du plastique. Heureusement qu'ils ont trouvé un truc quand même. Si le gars il cherche 6 mois, il dit bon, bah, il vit avec du sperme en fait. Il y avait rien d'autre dans les couilles. J'ai bien cherché, j'ai fait toutes les couilles. Mais Christophe, ça fait 6 ans que t'es sur ces recherches. Non, mais je veux savoir. Je veux savoir. Je vais quand même continuer encore 2-3 semaines. Il y a des fioles de sperme partout. Partout. Chez toi. Tu as un tiroir à sperme. Tu n'es plus dans une fiole. Tu jouis dans le tiroir directement. C'est vraiment le film. J'imagine vraiment Oppenheimer, mais sur le sperme et tout. Genre, non, faut que je trouve. Il y a un truc. Donc voilà, les inquiétudes sont nombreuses après cette découverte. Les microplastiques que nous ingérons en mangeant, en buvant et en respirant pourraient être notamment à l'origine en respirant, de la... on est mort. Ça c'est... me ferait trop. C'est chiant qu'on puisse pas. C'est chiant, c'est peut-être pas chiant aussi qu'on ne sache pas exactement quand on a un cancer ce que c'est. Ça me ferait tellement chier d'avoir le cancer du surimi. Tu sais, je bouffe plein de cette saloperie. Ah oui, de savoir d'où en ça fait, vient. Ouais. Si je me dis, hey, j'étais Bob Dylan, j'ai fumé des clopes, j'ai bu du whisky, à la rigueur, je peux me dire, j'ai vécu la loca, quoi. Ouais. Mais si on me dit, non, en fait, tu vois, le surimi que tu bouffes toutes les semaines, c'est ça qui t'a buté, trop du cul. Ça m'énerverait trop. Mais ça ferait chier de mourir pour un truc nul. Et un truc où tu te dis, oh, j'aurais pu arrêter. Mais oui, oui j'avais dit, j'aime même pas ça, j'aime le maillot. Ouais, c'est pas la maillot qui m'a tué. J'aurais mangé du pain. Mais ça se trouve, c'est ça quand t'arrives au paradis, on... peut-être plus en enfer. Peut-être au paradis, ils te disent pas, et en enfer, c'était le surimi. Tous les gars qui bouffent du surimi sont en enfer. Oui. À seulement 48 ans, un Américain vient de prendre sa retraite après avoir contribué à la naissance de près de 165 enfants. Bah, c'est Manu Payette. Que. Pourquoi ? Bah, il a le même âge. Tu t'as dit qu'il avait 48 ans tout à l'heure. Que faisait cet homme ? Alors attends, putain, j'ai vu une. Je l'ai vu le mec tout à l'heure là. Ah ouais, dans la rue. Je l'ai vu. Bah, pareil, il disait, y a peut-être pas que du plastique. Non, il a enfanté 250 enfants, c'est ça. Enfin, 100, bah 100, c'est, il a, oui, bah c'était. Il a fait des dons de sperme. Il a oui, fait c'est ça. C'est de le sperme. Plus grand donneur de sperme oui. De l'histoire. Il s'appelle le Sperminator. Ça, c'est le nom que je alors, il, oui, mais. Il s'appelle, quand tu dis il s'appelle, c'est vraiment ça. C'est lui. Lui-même s'appelle. Oui, comme ça. Oui. Personne l'appelle. Il a dit, c'est Sperminator. Hein. Oui. Non, on peut pas t'appeler Luc. Salut Stéphane. Je suis le Sperminator. Et il reste bras croisés, comme ça il se retourne pas. Ah oh, putain, bon, Sperminator. Ah, oui, bonjour. Bonjour. Je préfère qu'on m'appelle par le nom que j'ai choisi. et alors, je pense que c'est le même gars. Il a un. Parce que j'en parlais avec quelqu'un qui a partagé ça en story, qui m'a envoyé ce qui est a priori son compte Insta. Et son. Alors, son nom Insta, c'est. Oui. Horrible. Hein. Oui. Cute Professor. Oui, c'est ça. Oui, parce que Sperminator, il a essayé 03 avec ouais. Des tirets et tout. Et Instagram a dit non. Et alors, le mec a vraiment une vibe d'horrible creep. Je suis allé voir. Non, mais je suis allé voir sur. Je suis allé voir son compte et vraiment terrible là. Bon, il est affreux quoi. Enfin, et du coup, il prend sa retraite, c'est-à-dire que il a touché de la thune à chaque fois, donc ça va. Je sais pas. Je sais pas si c'est une vraie retraite ou si tu as juste dit. Après, j'arrête, s'il fait un Patreon avec 160 titres de ses gosses, déjà il est bien. Ah ouais. Putain, mais c'est trop bizarre. Il est à côté d'un cul. Bah oui. En gros, j'explique audio description. Il y a une meuf. Il y a une intro d'Urbain qui donne un peu l'info. Quand ouais, même. En gros, il y a un match de beach volley juste derrière lui. Donc il y a une meuf qui s'apprête à servir, elle est en maillot de bain, il y a son cul et lui il pose à côté du cul de la meuf avec un avec sourire. Avec une tête de Joker. Garde, ouais. Florent. Trop content. Ouais. Ouais, non, mais c'est limite abusé d'être autant d'assumer autant. Non, je me mets à côté d'un. Non mais cul, après. Et elle date de 2016. Ça veut dire que potentiellement les meufs qui ont dit oui pour des. Alors moi c'est ça que je comprends pas et tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. C'est que normalement un don de sperme c'est anonyme. Ah oui non je savais pas. Bah, tu sais pas qui est le père. Oui, oui, non, bien sûr. Bah, lui, donc, lui, comment ça se fait qu'il y a des photos mais où il pose avec les mères enceintes et tout, quoi. En fait, il baisse peut-être. Alors, non, il ne baisse pas. Enfin, c'est vraiment son sperme qui est pris et qui. Parce que c'est anonyme, normalement. Un mec qui s'auto-appelle Sperminator ne baisse pas. C'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Et qui prend photo à côté d'un cul, genre, ils l'ont pas mal, ça. Mais franchement, elle est. Sa tête, elle est même incroyable. Il sourit comme il est trop content d'être là. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il fait le tour du monde pour ça. C'est-à-dire que. Là, par exemple, il raconte qu'il y a 10 femmes enceintes, alors on parle, hein, 10 femmes enceintes de lui aux États-Unis, au Canada, et en Asie et en Afrique. Mais donc, c'est pour ça que moi, il y a un truc chelou, parce que normalement, un don mais de sperme, on ne te dit pas quand ton sperme est utilisé. Les femmes qui utilisent son sperme, l'identité, elle est secrète. Justement, mais même tout aux États-Unis fait, bah, en particulier. Parce que aux le États-Unis. Film Starbucks, c'était ça. C'est, il retrouvait tous ses enfants. Enfin, il y a quand même un truc où c'était un énorme donneur de sperme. Oui, c'est peut-être pas les mêmes lois partout. Mais c'est ça. Si, je crois parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. Non, mais je crois hein. Qu'aux États-Unis, ils ont droit après tes enfants de te chercher. Bah, peut-être, ouais, mais genre là, lui, ouais. Là, visiblement, il oui, est... jeunes, parce que là, il y a des photos, il est avec les femmes qui sont enceintes. C'est peut-être un simple dealer de sperme. Non, mais peut-être, est-ce que comme c'est la chanson de Michel Sardou. Peut-être que là, elles le choisissent et elles sont un peu folles, par contre, de le faire. Bah, il y a un problème. Mais est-ce que. Oui, mais même, tu peux pas choisir lui. Tu peux pas dire je veux Sperminator, quoi, normalement. Tu dis. En fait, ils te font. T'as pas vu la pub à la télé. Non, mais non, y a, je sais qu'il y a des trucs où ils te font une description du gars. Et tu dis, bah, il est prof à Harvard, machin. Tu il dis, ah, bah, à côté je des lui. Culs sur Insta. Ah, ok. Bah, c'est ça. Pour moi, tu mets le compte Insta du gars, il y a zéro don qui est utilisé normalement. Écoutez, je regarde, honnêtement. Bon. Ce n'est même pas un sujet. Peut-être il a un sperme hyper fort, en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il sort des autres fioles, il va se mettre dans les autres fioles de mecs. Non, mais il y a peut-être des spermes qui sont. C'est des. Qui sont plus puissants que d'autres, quoi. Oui, mais. Mais quand bien même, moi, c'est ce truc d'anonymat que je comprends pas. Mais moi, ma théorie, c'est qu'il fait ça en indé, le mec. Qui fait une annonce sur Craigslist ou un truc comme ça. Ouais. Et il baise, il veut... c'est pour baiser qu'il fait ça, je sais pas. À Rennes, chez nos amis bretons, bien sûr, des élèves ingénieurs en agronomie de toute la France participent au concours Ecotrophélia, un grand laboratoire de l'innovation alimentaire. C'est un endroit pour connaître les tendances alimentaires du futur qui pourraient arriver dans nos assiettes. J'ai quelques noms à vous donner et vous allez devoir deviner ce que c'est. J'adore. Si je vous dis l'escargot, qu'est-ce que c'est l'escargot ? L'escargot, c'est un chewing-gum à l'escargot. Alors, c'est un bigou, c'est un malabar bigou, escargot et... Banane, tout simplement. Ouais. Alors, il y a de l'escargot, évidemment, bien mais sûr. Ce n'est pas un chewing-gum. Alors, ça contient de l'escargot, donc ? Ça contient voilà. De l'escargot. Et du goût, la goût... Pâte à tartiner, escargot. Non. Non, le goût, c'est quoi déjà en anglais ? Attends, pardon, c'est, mais taste, de quoi ? Goût. Est-ce que c'est G-O-O ? Est-ce que... Ah non, non. Ah, de la gelée d'escargot, tu veux dire ? Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est O-U, escargot O-U ? O-U-T, mais ça va pas trop vous mais aider alors, attends, avec juste ce que pardon. C'est. Là, pardon, je me permets de débunker, je sais que je suis vegan et que j'y connais rien, mais les escargots, ça n'a pas de goût. Ce qui a du goût, c'est le beurre à oui, l'ail. Oui, l'ail, oui, ça c'est donc, sûr. C'est ça. En fait, la texture est agréable, mais parce que c'est mélangé à quelque d'ailleurs, chose. Allez, petite question. Cela dit, et si tu devais dégommer un truc où tu te dis, bah, c'est quand même le moins grave de tous les trucs les plus graves, insectes, escargots, tu te sentirais mal de bouffer des escargots ? Ils sont alors, quel ouais, animal tu serais prêt à tuer de tes mains ? Ça par me dégoûterait de bouffer des escargots juste parce que je trouve ça immonde. Mais dans l'échelle c'est de. Bien cuisiné, c'est délicieux. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent, ouais, bon, les fruits de mer, on s'en branle. Ça, ouais. On s'en branle. Et donc, c'est quoi ? C'est quoi le plus où on s'en branle si tu devais. Mais entre les escargots et les insectes ? En général. Entre tout, ouais. Bah, je pense les insectes. Je malheureusement, pense, le rien, mouton. L'humain. Ouais, je sais pas. Non, bah, j'en sais rien. Le truc qui. Quel être a moins de valeur à tes yeux voilà, de vivre sur cette terre. C'est comme les humains. Tu non, peux, mais les humains, tu peux de... les classer, par exemple, par couleur. C'est la prochaine ouais. Question, Urbain. Oui, donc, non, si tu peux le faire avec les escargots, tu peux le faire avec les pays. Et donc, les couleurs. Enfin, non, ouais. J'en sais rien. Je pense que ce serait celui qui est moins éveillé en termes de conscience, mais j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Le Cyril Hanouna. Oh, Mais putain! Excusez-moi. Il y a eu un petit sondage sympa avec les européennes où ils ont montré plus ou moins les gagnants de l'élection. C'est ceux qui ont été le plus vu Bardella, c'était 30%. Ils ont montré en gros, et en fait, c'est depuis les Halimi et tout. Il y en a plein, quand des journalistes qui ont fait des études là-dessus depuis 40 ans. Plus t'es vu à la télé, plus tu gagnes. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Alors, est-ce que c'est plus t'es vu à la télé parce que les gars aiment aussi des gars bankable aussi? Bah, oui, je mais sais c'est, pas. Mais quand même. Mais bah, en là, tout cas, on l'a montré beaucoup, quoi. Mais en tout cas, si le RN était, je vais être un peu sérieux deux secondes, mais si le RN était vraiment un parti pour les pauvres et les travailleurs et tout, les milliardaires se démèneraient pas autant pour les faire élire, quoi. Donc voilà. Je voulais dire ça. Non, mais je voulais le dire. Voilà. C'est vrai. Excusez-moi de le dire. Non, oui, mais je vois où tu veux en venir. Non, mais c'est vrai. Mais je vois où voulais en venir. Mais l'escargot. Mais en fait, c'est nul, c'est censé être un jeu de mots entre d'autres trucs. Donc c'est non, c'est pas un jeu de mots, justement. C'est attends, ça qui est dingue. Ça truc... donne du goût à l'escargot. C'est... Ouais, je pense que c'est un peu ça. Non, mais attends, non. Il y a de l'escargot dedans ? Ah oui, il y a à fond de l'escargot dedans. Donc. Bon, bah alors, mais c'est le futur, donc c'est une petite pilule ? Alors, c'est... Attends, oh non, putain, est-ce que c'est un escargot génétiquement modifié pour avoir directement le goût de l'escargot non, à l'ail et au beurre ? Non, c'est non, beaucoup là, plus décevant. C'est beaucoup plus décevant. Ça aurait été fou. Tu vas avoir la réponse. Voilà pourquoi la gauche perd. C'est vos idées de merde. Ça n'a pas de sens. On était si fiers en plus. J'ai l'imagination. C'est ça la première chose. Vraiment, tu vas avoir la réponse, tu vas faire ah, ouais, bon. Ah non, attends, on va trouver quand même. Non, mais on va trouver. Est-ce que c'est futuriste ? T'as dit que c'était le futur. Non, non, j'ai dit que c'était le salon de l'innovation. Mais attends, c'est pour le bouffer ? Après, il y a tout dans le salon de l'innovation. Est-ce que c'est un truc qui ah, oui, permet c'est pour le bouffer, de oui. bouffer c'est plus facilement ? C'est du Nutella. C'est, Nutella, c'est pas du Nutella, mais en fait, oui, voilà, c'est plus ça. C'est un produit à base d'escargot ? Voilà, c'est ça. C'est du beurre. C'est pas du beurre à l'escargot. C'est une boisson ? Non, mais c'est presque une façon de cuisiner l'escargot, presque. c'est un four en fait. Non. Non, c'est vraiment le plat, c'est pas un truc pour c'est un plat. C'est un plat. Ah oui, c'est un plat. Peu importe ce que c'est, ça ne va pas marcher. C'est sûr, ça ne va pas marcher. C'est un plat avec la coquille. Non, justement, la coquille est absente. Ouais, j'ose espérer, oui. Ouais. Est-ce que c'est une race d'escargots sans coquille? Alors non. Qu'ils ont créé. Non, alors ils disent quand même qu'ils prennent un escargot qui s'appelle. Escargot de Bourgogne, de chez toi. Non, justement. Non. C'est un escargot qui a un goût plus marqué que l'escargot de Bourgogne, mais là je ne le trouve pas. Mais ouais. Un Shetland. Hein? Un Shetland. Un escargot Shetland. Ok. Donc c'est un plat en fait. C'est un plat. C'est une façon de cuisiner l'escargot. C'est ça. Au barbecue. Alors tu peux le faire au barbecue, mais. Parce qu'il est sous quelle forme cet escargot? De steak, c'est des steaks d'escargot. Alors, non, mais on s'approche. Qu'est-ce que ce serait du coup? Du steak haché. Non, pas du jambon, pas du steak. Des brochettes d'escargot. On s'approche presque. Pensez barbecue. Pour moi, c'est des saucisses, des merguez d'escargot. Des saucisses d'escargot. Oh l'horreur! Mais non. Mais c'est, voilà. Là, c'est. Est-ce qu'il y avait besoin? Pardon. Pardon. Même toi, Urbain. Ça te met pas l'eau à la bouche. Ça te met. Même toi, le gros là qui bouffe tout. Non. Qui boufferait toutes les merdes. Toi qui fait tes blagues sur les véganes là et tout. Tu vas pas me dire que ça. Non, c'est de la merde. Et en plus, t'as raison. L'escargot en soi, ça n'est pas bon. Alors attendez. Du coup, là, je pense que. Non, mais du coup, ils foutent le beurre et l'ail dedans. Et oui, voilà. Bien sûr, l'escargot se mange en plat principal, grillé à la poêle ou au barbecue, et accompagné de féculents ou de légumes. C'est une manière de valoriser autrement la chair de l'escargot qui a de riches qualités nutritionnelles, a une faible teneur en matières grasses et dont la production demande peu d'eau et de terre, souligne Lucas. Putain, qui a bossé dessus. Pour leur recette, qui se décline à la catalane, poivron et tomate, ou à la bourguignonne, ail et persil. Oui, mais de toute façon, les saucisses, c'est des trucs pour mettre n'importe quelle merde dedans. Les étudiants ont opté pour de la chair. Alors, ça s'appelle du petit gris. Moi, un escargot très répandu en France. Je veux bien voir la vidéo où ils vont montrer ça à des Catalans et manger ça pour voir. Je pense qu'ils se font, ils prennent une fourche dans la gorge directement. Oui, mais après, vous êtes pas, les gens sont pas ouverts. Ok. Moi, j'ai goûté le jambon vegan, c'est délicieux. Alors pourquoi pas la saucisse d'escargot? Alors moi, je bouffe tous les trucs vegan. Je vais vous dire les trucs. Ta meuf est vegan, on peut. Le jambon vegan, c'est fou quand même. Alors moi c'est pas le genre, ils m'impressionnent en steak, ils sont de mieux en mieux, en fausse viande. Le poulet. Ils sont très bons en fromage, et ça devient de mieux en mieux. Ah bah ça me fait plaisir. C'est très cher, mais c'est très cher, très rare, et c'est très petit. Il y avait un truc à Paris qui le faisait hyper bien, ils étaient bien durs et tout, les bons petits fromages, ça ressemblait presque à du vrai fromage quoi. Ah, un resto? Ouais. Et ils ont fermé, c'est quoi? Dans le 19ème, ouais. Oui, bah, j'ai oublié le nom, mais. J'aime bien le c'est con, alors je pense qu'ils ont juste mis la clé sous la porte. Mais non, mais parce que justement, ils vendaient 12 balles, ils... 3 bouts de fromage. Mais c'était faisaient bon. Il y avait un plateau de fromage qu'ils faisaient eux-mêmes, mais bon. Beaucoup après... de trucs à la noix, oui. C'était bon. Après, un serveur qui avait beaucoup, prenait beaucoup de liberté, qui tutoyait, qui te faisait des blagues dans l'oreille c'est et lui. Tout. C'est lui. Oui, c'est mais... t'inquiète pas, on parle du même resto. Mais et alors. Le mec m'a fait bouh dans l'oreille. J'étais avec mon ex, on bouffait. Il est venu me voir, il a fait bouh dans mon oreille. Et j'ai fait. Est-ce que tu... Quoi? Est-ce que tu il a étais... fait. Oh, ouais, ça va. Non, mais j'ai détesté. Tu étais un petit peu inspiré par lui pour ta fabuleuse scène. Déjà, ça je l'ai dit partout. Bon, mais on va. J'aime beaucoup la scène d'Adrien, je l'ai dit, je lui ai dit à lui. Tout le monde le sait. Mais. Qui t'a inspiré? Est-ce que des serveurs de merde t'ont inspiré pour ce serveur de merde? Ouais, je pense un peu en vrai, un petit peu. Je veux pas faire genre acteur studio parce que je Bah, t'as vécu 6 ans avec des serveurs quand même pour préparer le rôle. Oui, c'est pour ça que j'ai très peu tourné pendant 6 ans, parce que j'étais vraiment en train de bosser ce rôle. C'est ce que t'as dit au mec de la cantine du Flunch. Ben en fait, je préparais un rôle, connard. Je fais 6 ans de Flunch pour une scène donc. Non, mais c'est vrai que Mais en vrai, je pense que c'est plus après coup que je me suis souvenu des serveurs un peu cringe que j'ai croisé. Il y en avait un qui, à chaque fois qu'il venait prendre la commande, il disait que cuit-on, ce qui était un petit peu vraiment. Mais moi j'ai eu toutes les blagues. Moi je l'ai créé ce personnage parce que j'en pouvais plus des blagues de serveur. C'est ça. Je sors la Game Boy. C'est la carte bancaire. Et puis moi je bois pas d'alcool. Ma meuf si. Donc du coup, il se trompait à chaque fois, genre oh, excusez-moi le gamin, t'as des trucs comme ça, ou alors je vais vous prendre un coca. Ah ok, on est au McDo. Ouais, ou le Beaujolais du Texas. Ah oui, j'avais eu ça. Moi. Putain, mais c'est quoi vos restos? J'ai envie d'y aller. Ah bah bien sûr. Je pourrais avoir du pain. Ah bah c'est plus cher. Je déconne. Je peux comprendre pourquoi j'ai raté toutes ces blagues de serveur, c'est que mon père attaquait tellement plus vite. je me rappelle de, j'étais là, ils font pas le blague gênant. J'ai dit bah oui, parce que mon père. Bah il y a un king en face. Pas quoi. Oh, le mec, il nous a lavé. Oh là, on peut rien dire là, c'est le meilleur. Il a des boys 3 secondes avant moi. Ouais. Il a passement de jambes direct et tout, on ne peut rien faire. Non, bien sûr. Et bien aussi, sûr. Et quelqu'un aussi, quand on commandait un plat et que quelqu'un disait la même chose, il disait la même chose en couleur avec un rire. Ah bon, ouais, la même chose en couleur. Oh, et après, il avait un rire terrible. Et tout. Donc, mais bon, moi, je sais ça que m'a imprégné. Après, ah bah oui. J'ai pas dit, attends, qu'est-ce que non, je mais surtout, faire. Moi, je l'ai non, écrit mais... plus parce que. C'est le clown que j'adore d'Adrien, du mec, oui, très, mec à l'aise, ouais. Très à l'aise, mec gênant, un peu gênant, tout, ouais. Un peu débilos, ouais, vraiment, c'est un. Je vais pas aller chercher. Très je l'adore, ah, je l'adore en comme tout ça. Cas, très bonne scène. Ouais, le reste est une belle merde. Ah mais... non, c'est raté. non, mais faut le dire, c'est raté. Heureusement qu'il y a cette scène. Qu'est-ce que le crayon paye? Pardon. Ah, c'est un ah autre oui, c'est plat toujours, à proposer. Crayon paye. Crayon paye. Crayon, c'est pas un poisson? Alors non, c'est... Non, mais des fois, il y a des noms de merde comme ça. Pour c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu veux dire. Ça se tentait. Crayon paye. Le crayon paye. Alors attends, le paye comme payer. Non, le verbe. P-E-I tréma. Ah, attends, c'est haïtien, non, ça? Alors voilà, ça vient de la Réunion. Ah. Effectivement. Non, pas de soucis. Oh là là, t'inquiète, t'es Front Populaire. Non, mais je crois que paye, je crois que... Non, bon, bref. Donc le crayon paye. Le crayon paye. Alors attends, et du coup, crayon, c'est un... Est-ce que c'est un... de la viande? Non. Est-ce que crayon, ça décrit un animal? Non. C'est à la forme d'un crayon. Très bonne réponse, Urbain. Mais attends, oui, mais attends. Donc, bah, c'est là, on a crayon, mais on n'a pas paye. C'est du paye. C'est non. Du pain. Alors, je vais vous donner ce que c'est, parce que je ne pense pas que vous allez trouver ce que c'est. Mais attention. Adrien est en train de serrer son poing, tel que vous le voyez. Okay, okay. Il peut péter la table. Je vais te le présenter comme c'est présenté dans l'article. Il n'est pas toujours simple de faire manger des fruits et des légumes à ses enfants. Ah. Partant de ce constat partagé par beaucoup de parents, qu'est-ce qu'adorent les enfants? Les crayons, bien sûr. Alors, n'importe quoi. Ils en bouffent, hein. Tu m'as plus que des légumes, hein, souvent. Tu m'as coupé très vite, mais justement, tu vas voir, il y a un truc. Ça ne va évidemment pas te convaincre, mais il y a un truc. Partant de ce constat partagé par beaucoup de parents, des étudiants de Lézirois à La Réunion imaginent une solution originale et ludique à partir d'un objet très familier. Les enfants n'arrêtent pas de mâchouiller leur crayon. Et eh oui, à l'école. Ouais, bah faites des bons crottes de nez aussi. Donc, c'est complètement. Eh ben, c'est Harry Potter, mon pote. Ah, donc ouais, on a vrai. Inventé un crayon comestible à base de fruits, indique Laïka. Pour leur crayon paye, crayon local en créole réunionnais, pardon. Ah oui. Les quatre étudiants ont aussi voulu mettre en avant les fruits de leur riche île, à savoir la mangue, l'ananas, la banane et, le goyavier fraise, auquel ils ont ajouté un peu de poudre de carottes et de betteraves. C'est goyavier, hein. Comment? Non, parce que souvent les gens reprennent en disant on dit goyave. Ouah, ça, en plus tu, ouah, tu, moi, le trigger. Tu reprends jamais quand je dis mal les trucs en plus, donc normalement. Il n'y a pas de colorant artificiel, précise Shine. Ah, bah, eh ben bah, oui, c'est ça. Qui ça? Shine. C'est Shine la chanteuse qui l'a fait. qui conseille aux parents de sortir les crayons à l'heure du goûter. Oui, bien sûr. Les soupes madame. Soupe madame. Alors le nom va pas vous aider, c'est imaginer un truc révolutionnaire. Et là on est dans la science-fiction un petit peu. Ah, c'est genre les croque madame? Alors non, est-ce non, que ça n'a rien à voir avec madame. Mais soupe. C'est soupe. Est-ce oui. que c'est des petites capsules de soupe tu mets dans l'eau et ça te fait une soupe? Pas loin. Est-ce j'ai envie c'est... de te l'accorder. Attends, la soupe déshydratée. Bah non, ça existe vraiment depuis. Ou des soupes à l'espresso? Pardon. Non. Une soupe déshydratée, ça existe depuis 50 ans. C'est pas ça. Non, c'est mais d'une certaine forme. Mais c'est en mode espresso, non? En mode oui, tu mets de l'eau et ça. Non, mais non, en mode la petite capsule. Ah non, pas en mode non, pas petite capsule, non. Ce qui existe aussi en machine depuis. Ah ouais voilà. Bah, soupes, non, mais je veux dire, les distributeurs. Non, mais ils pourraient rendre la soupe classe. Ouais, genre, je connais de la soupe, quoi. Mais alors, attends, la soupe. Donc, c'est de la soupe déshydratée? Oui, mais sous une forme. Chewing-gum. Ah non, attends, madame. Donc, c'est genre. Il faudra pas être madame. Il n'y a rien à voir. Laisser tomber, madame. Attends, soupe madame. C'est pas en Topax ou. C'est pas, c'est pas un solde comprimé. Chez Zara. Non, non. C'est sous forme quelque chose de solide. Ouais. Genre que tu peux tenir dans ta main. Oh oui. Et ah bah, non, c'est attends, pas c'est un pas comprimé. Non. C'est pas un god de soupe. Oui, voilà. Merci. Il a expliqué. Comment vous avez pensé à ça? En plus, dès le début, il me regarde. C'est pas les meufs. Là, il le redit. Et il me redit non, Urbain. C'est pas un god qui fait de la soupe. Putain, c'est ce que j'ai fait la dernière fois chatte, en plus. Quoi. L'épisode d'avant, j'arrêtais pas de tout ramener au cul. J'avais fait toute une question comme ça où c'était que du cul. Voilà, bah, c'est reparti. Mais au moins, l'épisode va s'appeler un god qui fait de la soupe. Et c'est pas si mal. Non, alors attends. Mais donc, c'est pas des gélules? Non, mais je vais vous l'attendre, vous êtes vraiment pas loin. Hein. C'est un truc effervescent? Ouais, c'est une barre. C'est une barre de soupe déshydratée. Mais c'est nul comme c'est ils nul à quoi chier inventer. Quoi. Et vous voulez pas genre donner de la bouffe aux gens qui en ont pas? Ouais, mais non, mais là c'est tout et c'est ça l'innovation. Parce qu'il faut savoir que à la pause déj, la soupe est de plus en plus prisée. Les salariés aiment bien boire ça vite, quoi. Mm-hmm. Et il n'est pas toujours évident d'apporter sa gamelle de potage au bureau avec et parfois la soupe déshydratée, des ça accidents. Depuis 1000 ans. Pour éviter des drames, 9 étudiants de Colmar et de Nancy ont développé la gamme des soupes Madame, une barre de soupe déshydratée à la saveur carotte panais ou betterave gingembre que l'on peut facilement préparer au bureau avec seulement un bol et de l'eau bouillante. Oui, en des vrai, soupes déshydratées. C'est, en c'est... vrai, tous ces trucs chelous depuis qu'on est né, des inventions un peu bizarres de bouffe, il y en a combien qui ont pété ? Il y a combien de trucs qui n'existaient pas et maintenant ça existe ? Ah, plein, parce que juste elles sont maintenant dans le truc moderne. Non, les, justement. Les dosettes de café. Mais les dosettes de café, ça avait rien de. Ouais. Bah, si, c'est vrai. Non, moi, je sais, mon père qui sort le truc, qui machin, qui truc, là, bon, c'est assez rapide quand même. Non, mais un truc genre, c'est un type de bouffe, mais on le met en comme ça, genre. La purée. La purée, c'est de la poudre mais avec du lait. La purée, ça existait depuis 70 ans. Oui, la mais c'est, là, c'est sous une forme, c'est pas des patates que tu vois ce que je veux dire. De la pâte. Ils s'en sont à 200 inventions de merde par an, il y en a pas une qui pète. Même quand j'étais petit, il y avait un mayo ketchup immonde là. Ah et oui. Et ça a duré un an. Ah oui, ketchupi là, c'était mi mayo mi ketchup, ça me dégoûtait. Ignoble. Ouais, je vois très bien. Ketchupi, ouais. ouais. Donc mais ça marche jamais leur merde. Donc ils arrêtent. Non mais en plus là je vois qu'ils pas arrêtent l'intérêt. Les mecs là. Je vois pas l'intérêt. Enfin pff, ouais non. Parce mais que tu te vois vraiment dans 5 ans faire ton barbecue, toi tu sais pas, tu seras plus vegan, on se met un petit peu à des escargots. Tu peux faire un petit, tu peux faire un barbecue vegan. Ah hein. Tu peux. Moi si tu m'avais dit il y a 10-15 ans. C'est très précisément la question que je te pose. Si tu m'avais dit on va réussir à trouver le goût du nugget par exemple, mais sans tuer de poulet, je ne suis pas sûr que j'y aurais cru. Voilà, voilà. Donc oui, non, mais les vegans, ils ont pensé à d'autres trucs. Non, mais il y a des trucs, justement, des inventions du coup scientifiques où je trouve que là, pour le coup, il y a l'avancée que j'aurais pas pu imaginer. La barre feed, là. Bon, j'ai déjà fait une fois, c'est vrai que t'as plus faim après. Ah ouais, ça j'ai jamais. Moi, je l'ai fait en boisson. Non, là, le truc qui me rend le plus fou en ce moment, et je l'ai jamais testé, peut-être c'est très bien, c'est le truc Air-Up là, qui donne du goût à de l'eau. Ça m'agace. C'est genre un truc où tu mens à ton cerveau. Ça oui, en fait, c'est. Ils appellent ça la rétro-olfaction, c'est-à-dire que t'as une capsule. Déjà, ça, attention. Ouais, hein. On va arrêter d'inventer des termes. Ça, c'est pas de ça. Rétro, ça veut vraiment rien dire. C'est scientifique. Oui, non. En gros, t'as une capsule qui a une odeur en fait en haut de la gourde. Et t'aspires, et toi t'as juste de l'eau. On est en train de leur faire de la pub, ça m'énerve. Bah non, parce que je suis en train de dire que c'est de la merde. C'est enfin, de la merde. Moi, je déteste, ouais, hein. Mais ils peuvent couper et non, après là, mettre là, sur leur. Ce serait vraiment malvenu de leur part. Non, non, et en gros, et du coup, le fait d'aspirer et du coup de respirer la capsule en même temps, t'as l'impression de boire de l'eau aromatisée, alors qu'en fait c'est juste l'odeur. Ok. Mais c'est énervant. Et l'eau, c'est très bien. Arrêtez de faire genre. Oui, mais moi, bien, j'avoue que je suis un moi qui suis un peu un débilos. Par exemple, moi, un autre truc où on voit de la pub partout, Oli. Ouais. C'est des boissons juste en poudre machin là. Ouais. Bah j'avoue que j'achète ça et je pense que je bois plus. Ah ouais, parce qu'il y a un petit goût de fruit que je peux mettre dedans et que moi, le si, truc... je boivais, si je devais boire juste de l'eau, j'en boirais moins quoi. Les plus gros escrocs, c'est ceux qu'on voit, vous consommez des podcasts américains comme moi, c'est Liquid Death là. Je connais pas. C'est, bah, tu vois, ils ont tous des canettes qui font belles canettes de bière, c'est de l'eau, ça vaut 3€ la canette d'eau. Ah ouais, tous les podcasteurs en ont. Incroyable. Ouais. Et ils t'ont fait de l'eau, celle-là elle est gazeuse et tout. Et c'est des génies. Ouais. Parce que Liquid Death, c'est tous les podcasteurs en ont. Ça cartonne aux États-Unis, j'en ai vu plein. C'est des bonnes canettes d'eau. Quoi. Moi, donc effectivement, continue à inventer des merdes. Des fois où tu vois que t'es quand même un débile, c'est que moi je sais que, encore aujourd'hui, et j'espère que ça ira mieux au bout d'un moment quand même, quand il y a des eaux, enfin des bouteilles d'eau en carton, j'aime pas. Enfin, je sais que c'est que de l'eau, mais le fait que ce soit en carton, ouais, j'ai mon cerveau goût. Un truc tu de. Tu dis, ah, il j'aime est en train moins... de ouais, se déliter à l'intérieur. C'est ça, j'aime moins. Alors que en gourde, en bouteille en plastique, au robinet. Le, goût. Le coca en canette, en bouteille de verre, en verre, en bouteille, c'est pas la même. Ouais. Ah oui, c'est pas la même putain, coca. J'ai cru que t'allais. Et ça, j'aimerais que ce soit précisé. Parce que pour moi, en verre, c'est le. On est au sommet. Le coca dans une bouteille en verre, c'est. Ah ouais, moi, je prends jamais le verre. Et moi, je trouve. T'aimes pas ? Non, je prends jamais le verre. Enfin, genre, quand on me donne la bouteille en verre, je dis, bah. Ah oui, tu prends pas le verre. Ah oui, ça, c'est un truc de la pub. Ça, c'est un truc de la pub. C'est que ça a l'air hyper rafraîchissant quand on boit directement. Oui, non, mais en plus, moi, je. Non, mais ça se dilue avec les glaçons souvent. Oui, oui. Moi, ça, ce truc, j'aimerais que ce soit précisé dans les bars et les restos. Quand tu commandes un coca, que ça arrive et que c'est vraiment une chiasse où tu sens que ça a été débouché avec une bouteille d'un litre 5 qui est ouverte depuis 20 minutes. D'accord. Franchement, c'est. Je suis pas censé mettre le même prix, quoi. Ça me dérange pas si c'est moins cher. Ça mais te dérange. Ça m'en foudrage. Je suis allé dans un petit club de jazz hier avec ma meuf. Bien pourri. Pour qui tu te prends? Oui, d'accord. Mais c'est sur ton autre compte Insta, Urban Jazz. Urban Jazz. Tu nous en parles un petit peu. tout le monde m'appelait Urbain Topito. C'était insupportable. Il a envie de t'expliquer. À un moment, j'ai fait, il y a un truc où je n'allais poster que des trucs de stand-up et je pouvais m'appeler rien. Donc j'avais tant. Et puis après, bon, bref, c'est bien une sûr. Erreur que je ne peux pas changer. Mais il y a aucun problème. Mais c'est une erreur. Moi, à un moment, on peut pas changer son nom. Non, je peux. J'arrive. Ils veulent plus. Depuis écoute, moi, à un moment, j'ai fait un changement. Toi, il y avait Flaubert partout. J'ai tout effacé et j'ai tout recréé. Voilà. Oui, oui. Alors j'en ai perdu. J'en ai perdu. Flaubert. Mais, alors, tout le monde m'appelle Flaubert. J'ai écouté mais... ton sur-parole avec Iggy Pop. Ah oui, oui. Vraiment, il t'appelle Flaubert dès le début. Tout tu le dis, ouais, c'est Florent Bernard. Ouais, ouais, bah non, mais je m'en fous. Et mais qui est-ce que t'avais dit il y a 10 ans au début du film, en gros. Je l'ai mis en gros. Je l'ai mis sur l'affiche, en fait. Et qui t'avait dit il y a 10 ans, change de pseudo, tu vas regretter. Qui t'avait dit ça il y a 10 ans? Ah, c'était toi? Ah oui. Ah, je me souviens plus. Parce que moi, j'en venais. Ah oui, t'avais fait AK. Et j'avais senti le vent tourner. Je m'étais dit, je vais pas assumer qu'on m'appelle AK si je commence à devenir connu. Un avantage avoir un pote méga plus vieux que toi. Mais c'est ça. Oh, et tu ne l'écoutes pas. Bien plus, bien plus. Non mais c'est. Non, mais c'est vrai. Oui, il l'écoute pas. Mais... attends, le club de jazz. Tartinade vegan. 10 balles. Tartinade vegan. Je sentais qu'il fallait se faire enculer, mais avec ça. Attends, tartinade vegan, c'était le groupe qui jouait ou le. Derrière pour le bar. Du jazz, cela dit, oui. Consommation obligatoire. Ah ok. Tartinade vegan. Okay. Je dis, bah, prends ça. Elle dit, oh, c'est pas, je dis, il n'y a que ça. Comme d'habitude, arrête de faire chier sur les options. Il n'y a que ça. C'est déjà magnifique qu'il y ait un truc avec marqué vegan dessus. Oui, oui, ça, oui. T'as pas bouffé, prends-le, s'il te plaît. C'est fou qu'elle se dise pas ça, quoi. Parce que non, mais moi, en tant que vegan, je mais pleure de joie. Parce qu'elle a le côté américaine où elle a toujours l'espoir. En fait, elle déteste la France. Elle dit, je suis à mais Paris. Elle croit quand même que peut-être il y a plusieurs options. Je lui dis, non, c'est non, déjà non. Un miracle. Oui, oui. J'ai marqué vegan sur un truc, tu le prends. Et bah, 10 balles. Un pot de trucs aux olives de merde, évidemment, et elle a pris 4 bouts de pain de mie, tout pourri, elle les a coupés en deux, ils étaient même pas toastés, elle nous a donné ça, c'est, ouais. C'est furieux. Vraiment, ça m'a fait l'effet de payer, ouais. Tu demandes un jus de fruits, et elle prend un vieux joker, elle le met devant toi, qu'est-ce que t'as dit là oui. C'est, ça, parce que tu sais qu'elle l'a acheté au Super U d'en face, c'est même pas légal quoi. Ouais. Une fois, j'avais dans ma rue, vers Marx-en-Bois, quand j'étais à voir, il y avait le restaurant chinois, je trouvais trop. Bon, pardon, j'ai vécu là-bas aussi, ah ouais longtemps. Ouais. Et ben, bonne rue de tous les restaurants chinois. Oui, oui, oui. Ouais. Et bref, il y en a un que j'aimais bien. Et finalement, je les ai tous testés. C'était tous plus ou moins les mêmes. Et j'ai compris, en fait, il y a une espèce d'Aldi du restaurant chinois pas loin. Et j'ai vu tous les restaurateurs en train d'acheter surgelé tout ce qu'ils me vendaient. devant moi. C'est à côté. Ils ne mentent vraiment pas. Parce que j'étais là. Ah, elles sont bonnes, leurs petites ravioles. Et ben, elles sont là. Et le beau côté, c'est que tu peux te les faire. Tu peux complètement. À 5 euros les 1000 à peu près. Donc, c'est bientôt les JO. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et du coup, je vous propose un plus que de l'euro, en tout cas, dans tout le monde se branle. Ouais, alors cela dit, hier j'étais dans la rue ouais. Et c'était vraiment battle, euro et fête de la musique bah en ouais. Même temps, donc c'était un espèce de bordel bizarre. Ça a rendu la fête de la musique acceptable parce que on a fait la queue moins partout, j'ai trouvé, c'était bien. Ah pendant ouais 3 heures, il n'y avait pas les. Hein, je sais pas, j'ai. Moi j'étais à Nantes, je t'avoue, j'étais pas à Paname. Vous avez fait quelque chose pour la fête de la musique, non? Ah bah, bah ma non, meuf m'a fait faire le tour de tout ah le oui, truc. Bah, le jazz, bah, le jazz. Oh, l'enfer. Ouais. On a pas fait que le jazz, on a fait la musette. Oh, wow. Le truc brésilien et après une block party hip hop avec je m'attendais à te voir. Non, ouais. Je me suis dit, il y a sûrement Adrien qui va smurfer un moment. Mais il y aurait peut-être AK, c'était son pseudo de rap. De smurfer, hein. Et de tagger, bien sûr. Mais non, et moi j'étais à Nantes parce que j'étais au Sofim Summer Camp c'est Festival. Vrai. Donc j'ai présenté un film là-bas et c'était très cool d'ailleurs. Quel film C'était Running Gun Empty à bout de course de Sidney Lumet. Super film. Ah oui, je l'ai vu. Très bon film. Enfin, j'adore ce film. Et c'est des gens très sympas chez Sofim en plus, c'était trop bien. Mais il y avait un truc de hey, on va boire des verres et tout. Et bah, c'était la fête de la musique et l'euro à Nantes. Ah, oui, donc oui, c'était oui. Un mélange très cool de putain, ils sont super sympas ces mecs et meufs. Mais c'est le pire cadre pour leur parler. Ouais, ouais, ouais. Donc, et le gars de l'hôtel il me fait ah, oh, vous allez voir, vous avez une super chambre, vue sur la place. Je fais attendez, oh. Vue sur la place le soir de la fête de la musique. Oh, yeah, et vraiment, yeah, son yeah. Regard a fait. Ah oui, bah s'il y a un problème, vous m'appelez, on vous trouvera ouais. Une autre chambre. Oui, on arrivera à évacuer 400 personnes. Et du coup, t'as. Ça, non, écoute, ça, bizarrement, ça a été. En fait, j'étais tellement fatigué, il y avait du bruit, mais je me suis endormi. Écoute. Mais moi, je te remercie de me demander. Moi, j'ai fait la meilleure expérience selon mes critères de la fête de la musique. C'est-à-dire que moi, en gros, hier soir, je suis allé chez mon frère pour regarder le match. Du coup, j'ai pris mon vélo, j'ai 10 minutes de vélo pour aller chez mon frère. Donc, j'ai juste traversé. J'ai juste pu voir les gens qui écoutaient de la musique par-ci par-là, qui kiffaient et tout, sans m'arrêter et sans subir la dite musique parce que c'était souvent de la merde. Mais j'ai vraiment juste échantillonné un peu, j'ai fait une expérience de ce que peut être la fête de la musique sur 10 minutes sans avoir à me faire chier, ouais. À être avec les gens et tout. Et, moi, et après, je suis allé m'enfermer dans un endroit où il n'y avait aucune musique. C'était parfait. Et moi, j'ai pris un gros coup de vieux hier, quoi. Enfin, j'avais vraiment vu plein de jeunes. Et j'ai eu non seulement ce truc de bon, bah la musique, j'ai lâché un peu quoi. Et avant, je connais pas les chansons. Mmh. Et oh là là, ils sont jeunes pour être aussi bourrés dans la rue. Alors qu'ils ont 20 ans, tu vois. Mais tu sais, il y avait vraiment tous les trucs que j'ai vécu quand j'étais jeune, de des meufs qui chialent, des mecs qui se battent. Mais ils avaient tous 20 piges. Et donc, j'avais vraiment l'impression que c'était des bébés. Et j'ai eu un truc de daron de oh alors quand même c'est jeune là, qu'est-ce qui se passe. J'ai eu ça. C'est fou hein. Moi en revanche, ce qui m'a gâché l'expérience, c'est que du coup après je suis rentré de chez mon frère et vraiment arrivé chez moi au bout de ma rue, ça jouait les Red Hot. Un groupe de jeunes. Ça continue à jouer les Red Hot. Ça continue à jouer. Mais ben moi, c'est exactement. Pour moi, c'est ça la fête de la musique. Non. Et je l'ai jamais à Paris. Non. Alors, moi, je veux des gars qui reprennent mal des vieilles chansons de rock. En revanche, je suis d'accord avec toi. C'est parce que moi j'ai fait le trajet et je me suis dit c'est devenu un peu la fête des voisins relous plus que la fête de la musique parce que c'est que des gens qui passent de la musique, c'est que des très fort et c'est de la merde. Et moi je trouve que comme tu dis, je trouve que c'est plus allez sortez jouer de la musique, si c'est nul on s'en branle, mais c'est plus ça l'esprit quoi. Ouais, les DJ ils font pas de la musique peut-être. Comment? Waouh, les DJ ils font pas de la musique pas peut-être. Pas tous non. C'est vrai. Ils en passent. Certains en font, mais je suis pas d'accord, tous. Attention. Non, mais il y a un côté, juste si c'est, t'es un bar et tu mets une énorme enceinte et tu passes de la musique, c'est nul. Mais là, à Nantes, c'était un peu ridicule quand même dans certaines rues parce que vraiment, plein de restos avaient leur scène faite de la musique, mais c'est des rues piétonnes de grandes villes. Donc elles sont toutes collées, donc vraiment, c'est un brouhaha terrible. Et t'avais des petits, enfin pas des petits vieux, mais bon, des mecs de 50-60 ans quoi, qui jouaient du rock'n'roll, mais vraiment entre deux énormes DJs. Enfin, c'était vraiment. Hier, j'ai pas vu un groupe de non-pro quoi. Ouais. Ouais. Ah bah écoute, moi, à Paris, c'est à part les tartinades vegan qui se sont lancées il y a pas si longtemps. Les tartinades vegan. C'est bientôt les JO, donc je vous disais. C'est vrai ça. Et quels sont. T'as fait exactement le même. J'avais dit ça tout à l'heure. Putain. Pas comme l'euro. S'en fout. Mais je suis allé chez mon frère. Quels sont les sports dans lesquels, en France, en 2023, il y a eu le plus de sportifs testés positifs au dopage? Ah ouais, top 3. Le judo. Non, mais bien testé. Le vélo. Alors il est 3ème, le vélo. Ouais, mais ils sont toujours là. Ils sont encore là. C'est fou quand même, le vélo. Ils lâchent pas. Mais arrêtez. Je pense qu'ils. Ça vous a pas suffi. Mais arrêtez, enfin, de vous doper. Mais c'est pas arrêté. Vous faites griller. C'est vraiment. Ils font 200 bornes dans la journée. Et la température est montée de 20 degrés, surtout maintenant, parce que vu que c'est l'été. Pas en ce moment. Oh, j'espère attention. Qu'ils stoppent, putain. heureusement. Il y a un sport de combat? Oui. Le MMA? Il est premier. Attends, le MMA, c'est au JO? Non, pas du tout. Sport en général où il y a des Sports. Pardon. Okay. C'était une entre eux. Ah, j'avais pas. Et oui, 24 cas positifs pour 218 tests. Tu auras plus de 1 sur 10 quand même. Et le foot donc. Et pas le foot. Attends, ça c'est premier le MMA. Ouais, premier MMA, troisième cyclisme. Quel est le deuxième? Rugby. Bien joué. Hein. Ouais. Le rugby. Le rugby. Nous on est naturel, même la nature. Ouais, ok. Ah, mais t'as testé ton perso du rugbyman. Prochain film. Une bonne andouillette pour le match et une bière. Oui, et puis tu te dopes aussi, enfoiré. Andouillette en escargot et pas la vegan. Un escargot à la pointe, à la broche. Allez, puis je le paie aussi, enfoiré. Je suis très rugby, clairement, j'en ai fait. Je connais bien l'hypocrisie de toutes nos valeurs. Il n'y a rien. Que ça soit la propreté, c'est scandale. Que ça soit. Bon, c'est vrai qu'on respecte plus l'arbitre qu'au foot, mais ça, on lui tape dessus après le match. Il a peur de venir parce que les mecs lui disent on t'égorge, mais dans le match, on fait rien. Moi, c'est ce que j'adore, c'est les gens qui disent attends, mais il n'y a pas moins violent que les rugbyman, c'est les mecs les plus doux. Mais mon cul. En boîte, ils se tapent tout le temps. Mais oui, même les joueurs de mon équipe de l'ASM, il y a eu une histoire où ils avaient fracassé des gars, là, machin, c'est n'importe évidemment, quoi. Évidemment, c'est sûr. Ils se tapent énormément dessus. Et est-ce qu'ils font le jeu de la tartine? Moi, c'est ça, surtout. Le jeu de la biscotte. Pardon. Et ils le font pas. De la tartine vegan. C'est le jeu de la biscotte et personne ne le fait. Ça, tous les rugbymen. J'ai confondu avec le jeu de la tartinade vegan. Pardon, excusez-moi. Alors, attends, moi je vais te dire ce qu'ils faisaient au rugby. Ils faisaient ce qu'on appelait le bazoom. À savoir, on fout un gars plus ou moins à poil dans le bus, on balance ses fringues partout et pendant qu'il essaie de les récupérer, on lui met des énormes claques dans le dos. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment top. Les belles valeurs. Et aussi, si les valeurs du rugby. Je l'ai déjà dit dans plein de podcasts, donc je peux le dire, mais les grands de l'équipe 1, c'était un petit peu branlé dans mon béret. Voilà. Oh là là. Voilà. J'aime bien un petit peu. Donc pour moi, le jeu de la biscotte existe à 200%. Bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, il est au JO cette année. Et il y a pas mal de partout. Alors j'ai pas eu ça, mais beaucoup on m'a raconté se faire pisser dessus dans les douches. Tu vois, c'est pas la douche. Dans la douche, ça va. Ouais. Ça part direct. Oui, c'est pas le pire. Dans le vestiaire, je gueulerais. Dans la douche, pendant le match, en je gueulerais. C'est souvent des gros bourrins. Et effectivement, et même en. J'ai des potes qui sont dans le kiné ou médecin dans ces trucs-là. Même les trucs légaux, faut savoir qu'ils se mettent trop. Genre, ils se mettent une plaque d'ibuprofène avant de jouer, les gars. Ah ouais. Ça, c'est plus ou moins pour légal. Pas sentir la douleur, mais ça te massacre. Et parce que, non, mais mon gars, ils sont comme les gars qui font de la boxe thaï, qui s'enlevaient les tendons et tout. Ils font tout. Ils, ouais, parce qu'ils se mettent des douleurs. C'est tellement dur, bien sûr. Ah, oui. Le rugby. Si vous n'avez jamais joué, faites-le avec des gens de déjà de morphologie de votre type. Vous allez crever. Ouais, tout fait mal au dur. Rugby. Oui, tout sûr. Fait mal. Chaque seconde du rugby fait mal. Et ouais. Même ça m'étonne que t'en aies fait, parce que toi qui es vraiment ou alors t'as vraiment fait non. Dur, non, dur. Pas du tout. Je vois une pas merde. Comment il va se finir, mais le début est dur. Non. Ouais, je dis, t'as peut-être eu un virage dans ta vie, mais c'est vrai que moi qui écoute Podcasto, c'était vraiment toujours en train de dire s'il y a un effort, c'est pas un plaisir. Moi, tout ce que je veux, c'est rester chez moi oui, à ça, jouer aux jeux vidéo. Donc il y a un côté le rugby. C'est l'inverse de ça, quoi. Pour moi. Ouais, quand j'étais, mais tout faisait mal. Tout faisait mal. Mais j'étais gros, c'était le seul sport que tu peux faire quand t'es gros. Alors il y a un beau côté au rugby, effectivement, quand t'es petit, c'est que le tout petit, il peut quand même être le filou qui fait des passes. Si t'es gros, tu peux courir un peu quand même. Tu vas devenir le costaud. Il y a les rapides. C'est un des seuls sports avec la pétanque, pas vraiment un sport. Mais il branle dans ton béret quand même. Où, les, ouais, où tous les morphotypes sont acceptés. Mais à partir de 15 ans, dans les clubs comme Clermont, il y a du harcèlement. Où ça aussi. Mais quand ça se professionnalise, à un moment, tout le monde a plus ou moins le même morphotype de faire 110 kilos et d'être une brute. Mais à basse échelle, ça peut encore. C'est que ça reste un sport vraiment sympa pour tout le monde. Moi, notamment pour les gros. Les petits gros, ils ont pas beaucoup de sport pour eux, quoi. Bah ouais, écoute. Il y a l'e-sport. C'est mais c'est un sport. Ouais. Oh là là. Stop ou pas, les mecs? Il y a beaucoup de cas. Ah oui, c'est vrai. Ils prennent ah, les médicaments pour le TDAH, ils prennent de la coke, ils prennent plein de. Ah trucs. Oui, ils prennent de l'Adderall ou je sais pas quoi, non. C'est pas et ça. Est-ce que vous savez ce que c'est d'ailleurs le Sniffy? Vous avez alors, bah oui. J'ai cru que vous en aviez parlé. Bah non, c'est pas juste qu'on entend pharmacie. Out of the loop. Bah non, c'est mais... la fausse coke, c'est ça. C'est ça. Oui, le truc à sniffer, mais légal. J'en ai entendu parler hier. Mais ça fait quel effet du coup? Je sais pas. Ah bah alors je vais t'expliquer. La marque Sniffy est une entreprise marseillaise. C'est donc vraiment une poudre à sniffer énergisante qui procure un regain d'énergie instantané. Donc c'est vraiment les effets de la coke. Oh, pendant vache. Une durée de 20 à 30 minutes, elle se décline en saveur sucrée comme le fruit de la passion, le bonbon fraise et la menthe fraîche. Sniffy vous accompagnera dans de nombreuses situations lors de vos exercices physiques, de vos études, examens, mais encore la nuit. C'est idiocratie, c'est vraiment. Non, mais là... on a fait le Sniffy, quoi. Ouais. C'est pour les enfants, quoi. Mais là, on est un vieux con de dire que c'est abusé. Je me demande parfois, tu vois. Là, je dis, bon, là, c'est n'importe quoi, mais est-ce qu'on non, mais pour est-ce moi, c'est comme les cigarettes ou... au chocolat. C'est ou est-ce fini, que bah... dans 10 ans, on dira, bah attends, t'étais du mauvais côté de l'histoire. Non, le Sniffy, c'est ce qui a empêché que le RN soit au pouvoir. Ah ouais, pardon, bah putain, j'avais pas capté. Tous les humoristes avaient fait des blagues sur le CBD, c'est de la fausse weed, vous imaginez, de la fausse coke. Oui, voilà. Ça y est. Il y avait un mec dans la salle qui a fait. Mais en vrai, je te jure, je me demande pas si les scénaristes de la vie ils regardent pas South Park et tous les trucs débiles et ils font ah pas con ça. Ça pourrait passer. Bon, allez, on va le faire, on va tenter. Hein. Bah c'était un peu la théorie de, il y a des critiques ciné, c'est un peu leur théorie de dire s'il y a la, par exemple en ce moment il y a plus de comédie vraiment américaine. C'est-à-dire que la comédie c'est un peu dilué dans tous les genres, donc t'as un peu de comédie dans les Marvel, Barbie c'est quand même un peu une comédie, mais t'as plus les Very Bad Trip, les Judd Apatow, les trucs comme ça. C'est de dire mais parce que la réalité. Les bouffons sont à la télé en fait. Les Will Ferrell qui était un débile qui a du pouvoir et qui fait n'importe quoi. Bah maintenant c'est Donald Trump est président. Donc en fait il y a un truc où c'est moins marrant parce que c'est la vraie vie quoi. Bah, enfin, c'était un peu quand Trump était au pouvoir, tout le monde disait oui bon bah on peut pas faire un personnage plus con que ça. Il y avait c'était quel humoriste, c'était peut-être je sais plus lequel c'est, mais il racontait que c'était hyper dur de se moquer de Donald Trump parce qu'il disait regardez il a fait ça et pendant le moment où tu dis ça il avait déjà fait une autre merde 10 fois pire et il dit c'est l'impression d'être dans un asile de fous, il y a un gars qui je sais plus il chie dans un chapeau et t'as à peine le temps de dire regardez il a chié dans un il a de la bouffe c'était genre tu peux rien faire quoi. Non, mais il a plus vite que toi quoi, c'est ça. Et donc voilà, la Sniffy en tout cas c'est de la L-arginine, la caféine, la créatine, la L-citruline, la taurine. Ça, enfin, c'est voilà, fou, c'est la vraiment créatine. C'est comme des boissons énergisantes, en fait. C'est vraiment ça que tu te fous dans le pif. Ouais. La créatine, c'est fou, parce que moi qui suis vieux, je me souviens qu'à une époque. Tout ça. Que la créatine, c'était un produit dopant ça, et que c'était un scandale. Dans le foot, dans la juve, ils disaient. Les gens, le temps, et là, je parlais avec une amie qui fait de la muscu. Elle me disait, bah, moi, je prends ça, je prends de la créatine et tout. Je disais, quoi de la créatine. Et elle disait, bah oui, tout le monde prend de la créatine. Et en fait, la créatine, c'est normal maintenant. Mais moi, j'étais resté à mon truc de vieux de l'époque. Exactement. Où c'était un scandale, la créatine. Ouais, ils en parlaient, années 90, dans le foot, les Italiens. Italien, Desailly, Zizou, ils prenaient de ça et c'était. Et puis j'ai eu le même truc que toi avec un gars de la muscu qui m'a dit. Mais j'ai dit, mais non, mais c'est pas bon, faut pas prendre ça. Ah ouais. En fait. Et apparemment, non, maintenant c'est ok. Non, mais c'est comme. Donc l'héros, prenez-en, ça détend. Voilà, dans 10 ans, finalement, tout le monde en prendra. Non, mais il y a la marque Hérogolo où c'est en fait, tu mets du sucre, c'est pas vraiment de l'héroïne. Hérogoût, on déconne, mais. Ils ont fait la coke, donc. Ouais, ouais, mais alors quand même, ça passe mal, hein. C'est-à-dire que. Les gens commencent à dire, non, mais là, vous avez juste habitué des gosses à se foutre de la poudre blanche dans le nez. Et comme ça, une fois que ça leur fera plus d'effet, ils font, bah, c'est pas si différent. Ouais. Enfin, le côté seringue, il y a quand même un cap, quoi. Ouais. Comme cela dit, aux États-Unis, tu sais, j'en parlais la semaine dernière. Le truc pour être pour perdre du poids, là. Là, ils s'injectent directement dans le bide. Oui, et c'est Judd Apatow qui racontait dans un podcast. Qui dit, moi je me suis toujours dit, ah moi je suis tellement hypochondriaque et tout, il y a suffit de dire, tu seras moins gros en faisant rien, et je me suis injecté un truc dans le vide sans savoir ce qu'il y a dedans. Il dit, j'en ai aucune idée. Il dit, tu croises aux États-Unis des gens qui étaient anti-vax après le Covid, mais qui mettent ça dans leur bide sans aucun problème. Ah oui, non, mais moi c'est les plus gros cramés de Clermont qui faisaient des teufs et des gars que j'ai vu s'injecter de l'héro. Qui m'ont dit, le vaccin, c'est le. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ils mettront pas ça dans mon corps. T'inquiète pas, c'est un temple. C'est un temple. C'est bientôt la fin de l'émission. J'ai quand même une dernière question. Vous le savez, il y a un endroit sur cette terre qui est cher à notre cœur. Je parle bien sûr de Fort Boyard. Bien sûr. Fort Boyard qui revient cette année encore pour. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait. Chaque année, ça me déçoit plus. Ça devient autre chose, Fort Boyard. Plus, chaque année, je re-regarde avec cette petite saveur d'enfance dans ma maison de vacances. On regardait Fort Boyard. Il y a toujours un moment, un samedi, je dis, et c'est devenu autre chose. De plus en plus. C'est devenu autre chose. Truc, ouais. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je regarde plus. J'aime bien l'idée de Fort Boyard et je me contente de ça. Parce que si je regardais là, je pense que je dirais. Oh, ouais, là, ils ont ouvert plein de choses. Truc un peu. C'est un peu devenu le multiverse, si tu veux. C'est de Marvel. Bah, il y a Megagaff et Willy Rovelli. C'est ça. Enfin, en tout cas, au dernier. Bah, il y a comment Cyril Ferraud qui joue Ken de Barbie et Ken. Enfin, tu vois, c'est un peu le bordel. Et justement. Je rappelle qu'à la base, ça devait être un show sur Donjons et Dragons. Hein. Et après, c'est devenu Vincent Lagaffe et Ken. Bon, voilà. Non, mais même quand il y a eu Olivier Mine, je me suis dit, ok, ça se reprend au sérieux parce qu'il y avait eu Castaldi, c'était un peu rigolo. Olivier Mine très bas, il est stock. Ok, là, Fort on Boyard est devient normal. Un barbare de niveau 7 bah, pour moi. Ouais, bah, pour moi, moi je comprenais pas qu'il affrontait pas les candidats à Olivier Mine. C'est-à-dire qu'à un moment, il devait leur péter la gueule. J'ai eu espoir avec Olivier Mine et ses bibis qu'il se passe un truc. Ouais, mais c'est redevenu n'importe quoi. Et justement, cet été, nouveau personnage, Booster. Ah, oui. Il s'appelle Booster. Non, c'est pas Boudère. L'homme aux 1000 volts, comme il se fait appeler. Qui sera interprété par Loïc Giorgi, j'imagine. Loris Giuliano, malheureusement. ça marche plus, les mécontentoires. Non, Loïc Giorgi, et à votre avis, quelle sera l'épreuve qu'il propose aux gens qui viennent dans Fort Boyard? Une espèce de chaise électrique? Alors, ça n'a rien à voir avec l'électricité. Ah ouais, parce que moi j'allais dire un truc où tu mets ta main et t'as une décharge et celui qui retire sa main en dernier. Non, mais c'est pas du tout. Rien à voir avec le. Rien à voir. Ça trop bien que ça tourne mal le truc. Parce que, vous savez, on a tous entendu les potes qu'on fait. C'est Big Flo qu'on avait parlé. Bah, tous. En fait, tous ceux qui l'ont fait et qui sont venus ont dit. Oh là, on s'est blessé. C'est horrible. Ouais, parce que tu signes une décharge, vous allez peut-être mourir, y a pas de problème. C'est. Même leur vlog qu'ils avaient fait. Parce qu'il avait fait un vlog McFly Carito avec Big Flo et Oli. Quand tu regardes, t'as pas besoin de commentaires, tu fais ouh là. Ils arrivent en bateau, ils doivent monter sur le truc, tu sens qu'ils glissent à moitié. Gros rêve d'enfance. Tu vois, pour le coup, c'est le coup. On me le propose, je ne peux pas refuser. Et pourtant, maintenant que je sais tout ça. Ouais. Et pourtant, ça, c'est sûr qu'avec moi, ils ont la meilleure émission du monde parce que je vais flipper à chaque épreuve. Je vais juste à les meilleurs footage de gars qui se. Mais moi, je peux. Pleurer dans la. Ça peut vraiment être drôle. Bah, l'épreuve de la biscotte. Surtout que c'est avec Pepper Foras, donc c'est la biscotte a un goût. Mais... C'est l'escargot d'ailleurs. Il doit mettre un temps à se branler le Pepper Foras. Oh, mais regardez pas, attendez. Okay. Ça me fout le stress. Est-ce que vous pourriez. Attendez. S'il vous plaît. Oh. Levez la petite chipette. Attendez, s'il vous plaît. Oh la vigie. Ramenez les nains. Ramenez les nains. J'y arrive pas sans les nains. Je ne suis pas le poids, mais je suis la masse masturbation. On sait ce que tu es en train de faire. Pas besoin de commenter. Moi, c'est marrant, je le ferai pas du coup, Fort Boyard. Bah, le problème, en fait, c'est que j'aurais adoré le faire à l'époque. Oui, mais oui, aujourd'hui, du coup, c'est comme tu dis, en fait, c'est trop différent. Tu te retrouves face à Giorgio. C'est ça, tu dis, ah, cool, je vais avoir le Pepper Foras. Déjà, ils vont pas tous face au Pepper Foras, donc t'as quand même une chance sur 12-10 d'être plutôt avec Booster. Mais pour un petit selfie avec Pepper Foras. Mais c'est pour mes potes. Juste pour qu'ils se disent, putain, il y a Urbich à Fort Boyard. Et qu'ils puissent avoir le plaisir de. Et en plus, ils savent. ils savent eux que je vais pleurer dedans, me faire défoncer. Le seul truc où je peux être bon à Fort Boyard, c'est les trucs. Il faudrait qu'ils me donnent les trucs dégueux. Mais limite, ah les oui, gens manger ils vont des avoir insectes, peur. Manger les gens, et les gens, ça va tellement rien me faire que les gens vont avoir peur. Ils se disent, ah putain, il bouffe les insectes, il met le truc dans le pot d'araignée, il en a rien à branler. il bouffe les araignées alors que c'est pas ça le jeu. Faut juste regarder où est l'indice. Ah, mais arrête de les manger, Urbain. Mais non, mais quoi? Il a mangé l'indice. Non, mais tu sais, il y a des gens, la hauteur ça va, mais ça ils pourraient pas. Ouais. Et ouais. Moi, ça serait mon seul truc fortiche. Mais au point, je te dis, les gens seraient dégoûtés. Moi, c'est moi, le tube avec les nichons, ça peut leur faire plaisir. C'est le truc où tu te faisais glisser. Si c'est moi qui le fais, il y a des trucs à mater. Franchement, vous pouvez. Mais ça, ils l'ont enlevé. Hein. Ils l'ont mais d'ailleurs, c'était pas, il y avait que les meufs qui le faisaient. Bien sûr, bien sûr. Et c'était le truc des gros pervs où t'avais comme ça. Bah, cute professeur, je pense que lui, il ratait pas une épreuve. C'était quand même pas mal que le porno soit arrivé pour calmer tous ces gens qui avaient besoin de ces petits palliatifs de la vie. Ramenez les gaffettes. Cela dit, il y a pas de. Je pense que tu peux mettre tout le porno du monde en libre accès. Les mecs, ils viendront quand même gratter le moindre truc. En vrai, c'est vrai. Ça m'hallucine toujours. Bah oui. Quand, parce que tu dis l'arrivée du porno, vois, gars, ça existe depuis des siècles, le porno. Non, mais en libre accès comme ça tout le temps. Mais c'est vrai que des fois, il y a encore un petit bout de nichon dans un film et t'as des gens qui se. Oui. Il suffit de voir les commentaires du moindre reel d'une meuf qui a dessin. Ouais. Et ouais. Quel que soit le sujet, les commentaires, c'est. Allez, vraiment, avec les mêmes blagues à chaque fois, et c'est tous, terrible. Et tous, pareil, oui, viennent du Sperminator en plus, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est vraiment. Le cul de professeur. Donc. Je vais peut-être changer Urbain Stand-up par Sperminator. ils vont peut-être me le donner, j'ai Stand-up la pastille. Urbain _ Sperminator. Donc oui, Loïc Georgie, je vais vous donner un petit indice qui est peut-être un gros indice parce que je sais booster, qu'il y a des gens bilingues, de booster, hein. De booster. Il est champion de Chase Tag. Ah oui, oui. Ah, c'est du parcours. Non. Cache-cache, du tag, chat. C'est chat. C'est chat. Oui, chat. Ouais. C'est le champion de chat. Oui, bah, c'est pas un indice, t'as dit le truc. Ouais, j'ai dit Chase Tag en anglais. Bah, c'est chat, quoi. Oui. Non, c'est incroyable à voir ça. Et donc, ils vont jouer à chat avec un gars dans une épreuve. Allez voir ça sur YouTube, les gars qui font ça en compétition, c'est ouf. Ouais, ouais. C'est genre hyper impressionnant. Oui, moi, c'est la théorie sur le mec est champion de ça. Ouais. Bah, c'est mort pour eux. Ah oui, c'est trop dur. Moi, il y a Zidane et faut le battre au foot. Oui, bon, bah, c'est bon. Je vais plonger dans l'eau direct. Moi, et attention, peut-être des fans de Fort Boyard qui vont peut-être essayer de me faire tomber avec ce que je dis. Des fois, ils laissaient un peu gagner les gens. Ah bah, moi, je me souviens de. Oui. Alors, je sais pas, la bohémienne, c'était son nom, excusez-moi. Oui. Et tu te battais avec elle dans la boue. Et des fois, tu sentais que. Bon, là, elle laisse gagner quand même, parce oui, que oui. Franchement. Ah non, mais ils elle prennent les des champions. Tous. Ouais, ils prennent des champions, évidemment, qui vont les éclater. Moi, je me souviens d'une. Avant que ce soit des gens connus, c'était genre des types de. Certaines confréries. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu les catcheurs américains. Et c'était incroyable parce qu'ils avaient. Tu vois que le monteur, il en avait trop chié. L'émission, elle doit durer 50 minutes. Ouais. Il plie toutes les épreuves. Le gars, il était hilarant de cette émission. Ils arrivent, le gars qui est costaud, il le défonce. Ils font tous les trucs hyper rapidement. Et tu vois tous les mecs gênés en mode bah oui, ils ont les 7 clés, tu sais, en 12 minutes, quoi. Il parle avec Patrice Lafont pendant 15 minutes entre les épreuves. Et du coup, vous venez de loin, le voyage et tout. C'est hilarant de cette émission. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient pas du tout capté que les mecs étaient des athlètes de fou. Bon, y a une épreuve que j'aimerais trop faire de Fort Boyard, et elle est culte via Bruno Solo, qui l'avait complètement foiré. Ah oui. C'est le tapis roulant avec les seaux d'eau. Oui. Il faut les mettre dans un truc pour faire remonter la clé. Ça, j'aimerais trop le faire. Ça existe encore? Je sais pas. En fait, pareil, moi je regarde plus trop Fort Boyard, quoi. Mais est-ce qu'il serait pas temps de créer un nouveau Fort Boyard? Le Flood Boyard, par exemple. Attention. Attention sur Twitch. Flood Boyard. Et là, on fait notre propre Fort Boyard avec tous les gens du Floodcast. Putain. Adrien déguisé en père Fouras. Mais c'est mon. Tu sais que moi, c'est pas tant le cinoche qui me fait rêver. C'est plus des merdes comme ça. Hein. En vrai de vrai. Déjà, la dernière fois, quand on a parlé d'Interville, t'as vu les étoiles dans mes yeux. Et ouais, on les voit pas souvent, les étoiles dans mes yeux. Donc, moi, c'est plus. Des astronomes courent moi, après. C'est n'importe quoi, c'est ça qui m'excite, quoi. Ouais, ouais. De la chiasse, quoi. Ok Adrien, ok. Merci pour le rôle. Hein. Non, pas de soucis. Et tout, non, je me disais jouer avec José Garcia sérieusement. Mais non, on peut faire Flotte Boyard. Flotte Boyard, oui. Et bien justement, toujours faire le père Fouras va également être aidé pour piéger les candidats. Et je le rappelle quand même, les empêcher d'aider des enfants malades, des pauvres. C'est combien de tiens, mais c'est plus le même vieux qu'au début. Il y en a eu combien? C'est le même vieux. C'est pas un vieux déjà? Bah maintenant peut-être. Peut-être qu'il commence du coup. Il n'y a plus de make-up maintenant. T'es un jour du jour au lendemain, il y a plus de make-up. Il est botoxé maintenant. Il est juste... Ah bah t'es arrivé, t'es passé au HMC. Non. Eh bah vas-y go, allez. Allez branlez-moi. Encore, c'est incroyable. C'est dingue cette histoire. Je suis Sperminator. Donc il va être aidé par qui, par quoi, pour empêcher les candidats un de lutin gagner. Un lutin. Je sais pas, il faut trouver une autre façon de mettre des nains. Oui, ça n'a rien à voir, c'est pas des. Non, il fera de croche-pattes à personne. Il va être aidé. Candidat ou le mec? Ah non, le perforas. Et donc, dans sa vigie, il y aura quelqu'un avec lui? C'est ça. Alors, peut-être pas dans sa vigie d'ailleurs, parce que tu sais, maintenant il quelqu'un est dans deux endroits, mais. C'est quelqu'un connu? Il est pas connu. C'est Redouane Bouguerba qui va insulter les gens pendant qu'ils réfléchissent. Eh le gros, monte dans la vigie. Allez, vas-y, va plus vite là. Et tu dois pas pleurer. Tu restes 5 minutes avec Redouane Bouguerraba et il te défonce pendant 5 minutes. Mais tu devrais pas être avec le pape normalement. Oh merde! Il pourrait faire une épreuve à la LOL avec t'es enfermé. Et, ah oui, il faut parler ouais, et tout. Ouais, j'avoue. Eh, Fort Boyard, si vous entendez. Bah, ça c'est. Non, c'est Flotte Boyard. Ça. Ça c'est Flotte Boyard. Non, parce que là on réinvente le truc. Non, il va être aidé par quoi le perforas? Je sais pas, je suis obnubilé par Flotte Boyard. Je ne pense qu'à ça. Non, c'est quelqu'un de connu ou pas, non? Pas du tout connu. Donc c'est un personnage qu'ils ont inventé? Un truc, une espèce de... C'est pas... ChatGPT. Putain, bien joué. Le père Fouria. Oh non. Mais j'adore par contre. Parce que c'est n'importe quoi. Le père Fouras a créé à son image le père Fouria, qui est une intelligence artificielle. C'était sûr, c'était sûr. Quoi? Genre, il va dire bonjour. Il y aura aussi le robot Pepper qui sera là. Parce que le père Fouras, c'est dans le futur. Tu vois, il nous massacre notre embrouillard. Le problème, c'est qu'il nous attention. Oui, c'est ça. Et le ninja Bionic. Oui, bon, là, vous avez 5 ans. Et après, en même temps, il y a aussi un côté. On dit, il nous massacre Fort Boyard. Bon, c'était n'importe quoi depuis le début, en vrai. Évidemment. Non, mais bien sûr. Non, mais moi, j'adore à quel point, quand en vieillissant, on peut être puriste sur des trucs qui étaient vraiment de la merde de base. On chie sur les fans de Star Wars, alors que nous, on n'est pas aimé sur Fort Boyard. Oui, il y avait la boule. Maintenant, il y a. Revelli, c'est nul. Il y a ChatGPT, oui, bon, bah, de toute façon. Non, mais en fait, il y avait des nains qui s'appellent Tous Passe Quelque Chose. C'était déjà n'importe quoi. Et donc oui, le père Fouras a décidé de confier à cette intelligence artificielle le soin de déterminer les règles de certains jeux qui ne manqueront pas de surprendre les participants, a annoncé France TV. Bon, je pense que c'est vraiment un gars en régie avec un micro qui lui modifie la voix pour faire une voix de robot. Oui. Il va dire la règle c'est. Bah, c'est le problème, c'est qu'on sait jamais. Tu sais que moi, vous avez vu le dernier film de Quentin Dupieux ou pas? Non. Oui. Alors, il y a tout un truc sur un moment où il parle de l'intelligence artificielle et moi j'ai une théorie que je vous livre. Hein. Il l'a écrit. Pour moi, peut-être pas tout le film. Mais il y a plein de scènes, on dirait un peu, c'est demandé, une intelligence artificielle qui l'a fait. Et je me dis, il a peut-être fait un truc un peu méta, ou genre tout, et surtout la fin, je trouve que toute la fin, on dirait presque un truc d'intelligence artificielle. Et je vois bien le faire. Écrit la moitié du film, et, ou alors les deux et tiers. Et vu que ça s'appelle le deuxième acte, et que ça a pas trop de sens que ça s'appelle le deuxième acte, en vrai de vrai, le bar s'appelle comme ça, mais je me dis, ça se trouve, il y a que le deuxième acte qu'il a écrit, et le avant-après, c'est ChatGPT. Mais bon, il a tellement fait des films qui partaient en couille aussi, que j'ai pas trouvé que ça partait beaucoup plus en couille que d'habitude. Non, mais c'est même pas par rapport à, tu sais, genre, je pense vraiment avec une bonne IA, parce que je sais qu'il aime bien les NFT, les trucs comme ça. C'est vrai. Peut-être qu'il est un peu geekos, et je me dis, il a fait, écris-moi un acte d'un film de Quentin Dupieux, où le héros c'est ça. Du coup, c'est très possible. J'ai envie qu'il a écrit, du coup, il y a peut-être une fin. Du coup, dans le film. Non, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, il y a une partie qui est vraiment écrite en IA. Parce que, en gros, t'as toute une scène où Louis Garrel dit non, mais vous savez, les films, on les écrit avec des IA. Maintenant, bon, on se fait plus chier, machin. Et il me dit, ah putain, s'il a fait un truc un peu comme ça. Ouais, bien vu, bien vu. Ouais. Vous le connaissiez avant, vous, cet acteur exceptionnel qui fait le figurant, là? Non, pas du tout. Mais il est fort. Hein. Crève l'écran. Mais lui, toujours, Dupieux, moi, c'est ce que je me tue à dire, c'est que il y a l'absurde, oui, il y a machin, mais c'est un directeur d'acteurs de malade et il trouve toujours des comédiens de ouf. Bah, et souvent, les comédiens livrent une de leurs meilleures prestations de leur carrière chez lui, quoi. Il y en a que je connaissais, Marc Fraise, on le connaissait tous, mais quoi, c'est vrai qu'il est sublimé au poste, quoi. Il est incroyable. Mais même Quenard, enfin. Quenard, c'est pour le coup, Enfin, il avait fait Family Business avant, je crois, quand même. Mais bon, il lui donne quand même. Mais il n'avait pas grand-chose en vrai dans Family Business. Que là, donne... Oui, mais je trouve qu'il crève l'écran, quand même. Mais même dès la première fois Quenard, avant Yannick, il fait la scène magique avec Blanche. Et le mec de Oui, dans Fumé fait tousser, ouais. Comment il s'appelle, qui est très marrant. On va passer d'ailleurs le deuxième. Oui, oui, Edouard, ouais, je vais regarder. Et qui se fait bouffer les jambes. Et Quenard, il l'engueule. Et déjà, la première fois que je le vois, je dis, ah oui, ok, lui, il est trop marrant. C'est tout simplement Anthony Sonigo. Ouais. Voilà. Donc on voit pas assez, qui est très marrant. Qui est très très marrant. Qui est exceptionnel dans cette scène d'ailleurs. Mais ça va, Tata, y a pas de problème. C'est la meilleure scène du film. C'est la meilleure scène du film. Ouf. Donc c'est là bientôt la fin de cet épisode du Floodcast. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles? Oui, ça, j'ai oublié de te rappeler qu'il y avait les recommandations culturelles à la fin. Je me souviens, de toute façon, à chaque fois je dis mes trucs. Et la dernière fois, on a pris 5000 auditeurs pour Plutôt Caustique. Donc Plutôt Caustique. C'est vrai, ça a eu un vrai boost. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui depuis ont tout écouté. Parce que vu que c'est des gens qui ont poncé tous vos trucs, ouais. qui sont en manque, et ben je suis le sniffy du podcast. Mais mes podcasts plutôt caustiques que certains ont aimé, et Podcast Sauce qui est sur YouTube, qui est filmé, voilà et puis il faut donner fait. De l'argent. Est-ce que vous Tipeee, voilà. Est-ce que vous ça marche pas du tout, je demande à Franjo d'arrêter ça, vous avez un Patreon? Non, mais mettez de la pub. Mais oui, ouais. Mais personne nous a demandé. Franchement, on fait Sniffy, les booms, les mines antipersonnelles, on s'en bat les couilles. Acast, tu nous écoutes, mettez de la pub. Mais cela dit, Acast, je sais pas si Acast Plus ça marche tant que ça, d'ailleurs, on leur a jamais demandé. Je parle pas d'Acast Plus, juste. Non, mais moi je t'en parle parce qu'il parle de Patreon et tout, il dit les gens ont pas le réflexe de donner de l'argent pour soutenir. Nous déteste de demander de l'argent. Non, mais oui. Non, mais est-ce que vous tirez pas une balle dans le pied? Il y a tant de gens qui regardent sur YouTube. Je sais pas si t'as les chiffres. Sur YouTube, on fait entre 15 et 30 000 vues par épisode, ce qui est beaucoup plus que le début de quand on s'est lancé en audio. Ok, d'accord. Et de toute façon, là, on a déjà la monétisation et tout. Et je pense, vous ne le faites pas parce que ça a déjà pété et tout, mais je vois bien les comiques américains, ils sont tous passés au podcast filmé. Ouais. Oui, j'entends, mais moi j'ai l'impression. Les extraits Insta surtout, ça c'est leur grand truc. Bien sûr, nous, notre Insta, on prend tous les jours. Ouais. C'est vrai. Mais c'est des coûts en plus de filmer de fou. Quoi. Ah oui, mais c'est pour ça qu'en fait on demande de la thune, mais parce que ça nous en coûte vraiment. Je sais, parce qu'à chaque fois vous dites que vous êtes en. Vous perdez de la thune et tout. L'épisode entre le monteur, le gars qu'on paye pour les reels et tout, on doit être à 700-800 balles l'épisode. Donc ça commence à devenir chiant, on en fait un par semaine. Zéro euro, vraiment, ça nous coûte rien. Toujours les mêmes casses de chiasse. Les casses de merde. Je sais toujours pas mixer un épisode. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM pour me dire je vous mixe les gratos les épisodes. Ouais, je sais, mais non. Écoutez, j'avoue que sur le son, on était beaucoup très nuls avec plutôt caustique et tout. Mais là, c'est de mieux en mieux et il casse quand même les couilles. Donc, c'est un peu à l'époque sur YouTube où il y a quand même toujours un technicien pour te dire que c'est pas parfait. Sûr, parce que le vôtre, je l'écoutais souvent et ça va. Oui. Non, mais ça dépend des fois. On a des invités qui parfois. En fait, c'est les rires forts ou les trucs comme ça qui font un peu chier les gens. Mais moi, je suis pas un mixeur, je sais pas faire. Donc, je fais ce que je peux. Mais ça fait partie de l'ADN du podcast. Oui, mais alors, on se dit dès qu'il y a un truc nul, on dit. C'est le podcast. Écoutez, ça. Alors, recommandation. Déjà, pas la série Eric. C'est nul à chier. C'est quoi? C'est nul à chier. Pas. Le truc avec Benedict Cumberbatch sur Netflix. Ok. Je vais lui donner ça parce que en ce moment, je regardais plus de séries. J'ai fini ces 6 épisodes. Et je me suis dit, je vais me refaire des séries parce que j'arrivais plus à les regarder. Je me suis dit, si je me suis farci cette merde, je peux me faire plein de trucs. je suis dans True Detective, je suis dans House of Dragon, je suis reparti dans les séries. Je rebondis parce que tu parles de séries et de Eric. Si vous voulez regarder la série Platane gratuitement, abonnez-vous à Eric Judon. C'est 7 extraits par jour sur son Insta. Hein. Donc tout est gratuit sur son Instagram. N'hésitez pas. Je comprends pas pourquoi Furiosa ça a pas marché. Pour moi, c'est chef-d'œuvre. Ouais, c'est vachement bien. C'est chef-d'œuvre. J'avais adoré Fury Road aussi, j'adore cet univers là. Donc ça a à peine couvert les couilles et notre vieux George Miller il fera plus de films. ça fait chier, je donne un truc pour un blockbuster, je vais essayer de penser à un truc underground, mais Furiosa. Non, bah oui, parce que pas tant de gens l'ont vu. Au final, je crois qu'il a 800 ou 900 000 spectateurs, ce qui pour un gros blockbuster est rien. Et puis là, il y a Vice Versa 2 qui surcartonne partout. Donc, j'ai vu un film français de l'année dernière. C'est Marina Rollman qui me l'avait. Je sais pas s'il a écrit dessus ou pas. C'est Les Derniers Juifs. Le dernier des Juifs. Et franchement. De Noé Debré. Ouf, sujet hyper sensible. Ouais. Comme on s'en doute. Et le titre même aussi. Et tout quoi. Et j'ai été impressionné par la qualité du film. Voilà. Mais Noé Debré, qui est un scénariste assez connu dans le milieu de l'écriture et tout, puisque c'est un gars qui a fait ses armes chez. Audiard, avec un scénariste d'Audiard dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais c'est lui qui a aussi bossé sur Problemos d'Éric Judor, il avait bossé sur Le Monde est à toi de Romain Gavras, enfin voilà, il a toujours, quand le film est bien écrit, il y a souvent son blaze qui est pas loin quoi, et c'est lui qui avait fait Parlement aussi, la série Parlement avec Xavier Lacaille, donc voilà, il bosse sur plein de trucs. Oui, donc il a fait beaucoup de trucs bien. Mais c'est son premier film par contre, t'as raison. Le truc sujet tendu, mais ils arrivent à faire des putains de vannes dedans. J'étais impressionné par le film. Moi qui pensais que les films français c'était des merdes. Déjà, il y a la scène d'Adrien qui est exceptionnelle. Bon, voilà. Le reste peine un peu. C'est déjà bien. Franchement, Noulet le Roi, j'ai adoré. Ça sort quand en VOD tout ça? Fin août. Le Blu-ray. Sur le Blu-ray, il y a une version commentée par le réalisateur et une version commandée par nous deux, où on dit le podcast, on dit de la merde pendant 1h40. Ah, trop bien. Voilà. Bah, toi, t'es obligé parce que t'es fan, c'est ça Moi, j'adore les commentaires audio. Commentaire audio, en plus, je sais pas si c'est si intéressant, mais où je parle du film, d'écriture, de réalisation, tout ça. Et celui avec évidemment des grosses blagues. Là où on dit, il n'y a pas une seule information utile sur le film. Non, mais c'est bien. Je me rappelle, je crois même que t'en avais parlé dans ton combini de celui de Mission Cléopâtre. Ouais, j'en ai parlé quelque part, mais c'était, je sais pas. Bref, mais oui. J'adorais celui de Mission Cléopâtre où à un moment Chaba lit une recette parce qu'il sait pas quoi dire. C'est très marrant. Et t'avais celui de Dodgeball qui était très marrant aussi de. Où t'as Vince Vaughn qui a un running gag très long de il surveille sa voiture sur le parking. Donc vraiment, attends les gars, excusez-moi. Non, c'est juste un mec qui passe à côté. Vraiment pendant tout le long du truc. Et dans les commentaires audio, très marrant aussi, il y a. C'est un bonus très précis, mais que j'adore. C'est dans le Blu-ray ou le DVD de Hot Fuzz d'Edgar Wright. Ouais. Edgar Wright met son premier court-métrage, que quand il avait 15-16 ans. Mm-hmm. Il le met parce qu'en fait, il l'a tourné dans la ville où il a tourné Hot Fuzz. Okay. C'est la ville où il a grandi. Donc c'est un peu marrant à regarder. Et ce qui est ouf, c'est que c'est nul, mais que t'as déjà plein d'idées du gars. Enfin, tu sens qu'il a un talent de ouf, quoi. Et il fait le commentaire audio de ça où il dit bah voilà, j'avais 15 ans. Et là, vous voyez l'église derrière, bah c'est l'église où on a tourné la scène de Hot Fuzz, machin. Mm-hmm. Et il y a aussi le commentaire audio de Simon Pegg et Nick Frost, les acteurs, qui disent c'est de la pure merde. Juste, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Regardez la gueule de ce puceau. Ils sont horribles pendant 15 minutes en disant mais ça, vous avez foutu ça sur le Blu-ray? Mais vous êtes des malades, tout le monde va s'en battre les couilles. Donc voilà, donc ça, j'avais trouvé ça aussi très marrant. J'ai pensé à toi dans une vieille brocante à Paris. Alors je vais être hyper. Alors je suis toujours le gars qui défend la province. J'ai même tout un truc sur le fait de pas dire le mot province, c'est de la merde dans mon spectacle. Ok. Le mot que tu viens de dire. Voilà. Ouais, mais ouais, voilà. Ouais. Mais justement, je le dis pour de la merde. Ouais. Et mais en région, pareil. En région, tout juste. Le fait d'avoir un mot pour dire pas Paris, voilà, et de la c'est merde. Ça. Ouais, c'est ça. Exactement. J'entends. Mais les brocantes de quartier à Paris, oh non, c'est pas le même niveau, mon pote. J'ai fait toutes celles de Clermont pour trouver un bon DVD. Là, je suis tombé. Je sais pas s'il est. Parce que la meuf, elle avait l'air de rien connaître au film. Je te jure, j'ai failli t'envoyer un DM. Elle, du Cassavet, c'est tout. Elle a lâché. Il y avait 300 DVD. Ouais. Pas une merde, mon gars. J'ai failli tout prendre. J'ai pris tout le liquide que j'avais sur moi. J'en ai acheté 50. J'aurais tout acheté. Ouais. Genre, je te jure, je voulais t'appeler en disant je sais que t'en as plein des DVD. Viens, la meuf brade tout. Des Blu-ray, 1 euro. L'intégrale de Seinfeld. Feld, Cassavetes, Kurosawa, mais aussi la comédie américaine hyper pointue en VO. Je sais pas qui ils ont volé, mais un putain de cinéma. Bah, Florent, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est ça. Ben, donc, je sais plus pourquoi on parlait des DVD. Adrien ? Alors, j'en ai déjà recommandé des gros trucs de gros geeks de merde, mais alors là, c'est pas mal. Attachez vos ceintures. J'étais malade et il me fallait un petit jeu vidéo pour m'occuper et j'ai trouvé le truc parfait qui m'a bien occupé pendant ma maladie. C'est un jeu qui s'appelle The Farmer Was Replaced. Le farmer a été remplacé. Et en gros. Le fermier, quoi. J'ai dit quoi? Le farmer. Bah, je deviens fou. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Ce qui veut dire The Farmer Was Replaced. Non, et en gros, le principe, c'est. Donc, il y a une ferme qui est en fait une sorte d'échiquier avec chaque case est un petit morceau de terrain. Et au-dessus de, ce terrain, il y a un drone. Et en fait, c'est un jeu de programmation. Donc, c'est-à-dire que vraiment, tu écris du code pour jouer, quoi. C'est la seule façon de jouer, de contrôler ce drone. Et en gros, tu as. Donc, c'est un langage qui se rapproche du Python pour les gens qui connaissent. Truc de nerd. Il y a Alexandre Astier et mon petit frère qui vont jouer à ce truc, quoi. C'est un truc. C'est très, très niche. Je sais que ça va pas convaincre beaucoup de gens. Mais les gens. Alors, on en parle, personne n'y joue sur Twitch, par exemple. C'est du tout sur l'intégralité. Ah bah, c'est vraiment le jeu le moins Twitchable. Mais les gens à qui ça va parler vont être très contents. Ah, c'est voilà, sûr. Comme voilà. Et en gros, le principe, c'est que du coup, tu pars et donc tu as des commandes spécifiques pour dire fais ça, plante. T'as une commande pour dire si c'est possible de récolter. Il y a une commande pour dire récolte, etc. Et en fait, plus t'avances dans le jeu, plus tu peux débloquer des nouvelles commandes et aussi des nouveaux semis. Donc par exemple, au début tu plantes que du blé, ouais. Mais au bout d'un moment tu vas planter des tournesols qui vont faire un tel truc et tout. Et en fait chaque plante a une caractéristique particulière qui fait que tu peux pas les récolter genre juste bah, tu parcours toutes les cases et tu récoltes tout ce qui peut. Parce que par exemple il y a les tournesols, bon c'est un truc très complexe, mais en gros les tournesols c'est... Jusque là c'était un jeu d'enfant. Ah, mais ça, bah, en fait bah, la difficulté voilà, est bien gérée. Là tout le monde là, mais on va pas... non mais c'est la difficulté est bien gérée, mais par exemple il y a un truc, non par exemple les citrouilles en gros, je sens que je vais m'embarquer dans un truc. J'adore. Non, en gros, on va repartir sur les tournesols. Les tournesols en gros tu les plantes, donc ils poussent tous, normal et tout, sauf qu'en gros le principe c'est, tu cueilles un tournesol, très bien. Chaque tournesol a un nombre défini de pétales. Sinon, il y a un jeu qui s'appelle FIFA. Tu joues au foot. Ah, mais j'adore FIFA. Et il est bien. C'est un de mes jeux préférés, FIFA aussi. Hein. Donc, oui, donc, pardon, mais. Nombre de pétales par fleur. Et donc, tu cueilles un premier tournesol, très bien. Ouais. Mais si le tournesol suivant. Non, c'est même pas ça. C'est tu cueilles un tournesol. Ouais. Si c'est pas. Si ce tournesol, il a pas le plus grand nombre de pétales parmi tous les tournesols présents, d'accord, ça détruit tous les tournesols. Donc, il faut que tu fasses une fonction qui d'abord va parcourir tout ton champ pour savoir lequel a le plus de tournesols, le plus de pétales. Quel est le nombre unique de pétales pour les tournesols. J'ai l'impression d'être à ce moment dont tu sais quand on t'explique un jeu de société où je me casse. Ouais. Tu sais quand le cas. Voilà. Tu vois ça. Non, et dire, à partir de ce moment d'explication, moi je suis parti à boire des bières. Tu dois faire une fonction. D'abord regarde, donc tu fais OK. Donc ça, le nombre max de tournesols, c'est ça. Okay. Donc ensuite tu repasses, tu regardes pour chaque tournesol. Est-ce qu'il a le nombre maximum de pétales? Non. Le prend pas. Bah ça va te détruire. Oui, je le récolte. Et ensuite tu refais, etc. Bon. Ah, donc en gros, du plus gros nombre de pétales au plus petit. C'est ça. Ouais. Mais du coup, il faut. Voilà, toi, tu programmes les trucs pour ça. Et là, j'en suis à un stade où à un moment, tu as carrément des. Pour avancer dans le jeu, tu génères des labyrinthes dans lesquels il y a de l'or. Parce que tu as besoin de cet or pour aller plus loin dans le jeu. Et donc, du coup, j'ai dû faire un algorithme entre guillemets qui résout les labyrinthes. J'ai l'impression que tu t'es fait niquer par une intelligence artificielle qui te sous-traite le codage d'un jeu. En fait, ils ont pris plein de petits nerds, ils payent pas des mecs et en fait vous codez le jeu pour eux. Et après le jeu il est bien. Et en fait tu bosses pour eux. Il est en train de créer une Tesla en fait depuis deux ans. Ce truc de labyrinthe, j'en ai chié et je voulais pas regarder de solus et tout. Le jour où ça a marché, j'étais vraiment fou de joie quoi. Je ne pensais qu'à ça toute la journée. Et à un moment, j'ai dit, ah bah attends, mais si je fais ça et tout. Et j'ai enfin trouvé le truc. Et vraiment, après, la satisfaction de voir mon drone parcourir le labyrinthe et au bout d'un moment trouver le trésor et tout. Oh là, quel bonheur. Bon, franchement, t'en parles, mieux que le sexe, selon moi. Bah, en tout cas, un des deux est à ma disposition. Donc mieux. J'en ai un où j'ai mis moins longtemps que l'autre et pourtant, j'ai mis longtemps. Et non, et aussi grandement incompatibles les deux. Enfin, c'est l'un ou l'autre, a priori. Là, beaucoup de vagins se sont asséchés. Voilà, je pense. On a pas vu le nom du jeu sur beaucoup de bio-Tinder. Faut le dire. Donc The Farmer was replaced. Les gens le vendent un peu en disant c'est un bon moyen d'apprendre à programmer. En vrai, je sais pas parce que moi je trouve que c'est quand même assez dur dès le début. Okay. Donc je pense que c'est bien de connaître un petit peu la programmation. Mais si vous connaissez pas la programmation et que ça vous intrigue, faites-le et dites-moi si je me trompe ou pas. Ce serait trop bien que les mecs du jeu l'appellent arrête de parler de notre jeu. Arrête, ça a été désinstallé. C'est la pire puée. Au début, ils vont faire ils ont parlé du jeu dans le podcast. Trop bien. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a à raconter C'est super. C'est si pour vous les geekos. Non, mais je sais, c'est vraiment les geekos nerd, adorer, mais c'est vraiment, sûr. Bon, il y a plein de gens à qui ça ne parle, mais je pense. Non, et aussi, je crois qu'il coûte 5 euros le jeu. Oui. Donc vraiment, c'est voilà. Alors, attends, après, tu bosses. Ouais. Non, mais en vrai, je suis sûr que les geekos vont adorer, c'est sûr. Mon frère est déjà en train de jouer à ce jeu, c'est sûr. Je pense, et voilà. Mais bon, ce qui est con, c'est que lui, c'est son métier de programmer. Donc, pour se détendre, je sais pas s'il va se faire. En vrai, je pense que pour un mec qui programme vraiment très bien, c'est de la merde, parce que c'est très facile. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment pour mon profil, qui sait un peu programmer, mais en même temps qui est pas très fort, et du coup, les trucs de merde que t'as à faire dans le jeu, t'es content d'y arriver. Et quoi. Tu te sens pas meilleur depuis longtemps. C'est le profil qui a pas baissé. Ouais, c'est ça. Qui est malade. Qui a un petit rôle dans un resto, dans un film. Voilà. Mais est-ce que tu te sens meilleur programmeur maintenant? En vrai, c'est marrant, c'est que comme le oui, sans doute un peu. En vrai, moi, là où je suis content, c'est que le langage est proche du Python. Et ça faisait un moment que je me disais, ah putain, faudrait que je me remette au Python parce que j'ai un peu oublié. Et du coup, là, j'ai un peu l'impression d'avoir codé en Python. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu le fais avec un but un peu ludique et tout. C'est ça qui est cool. Cool ? Cool. J'entends. J'étais là. Moi, j'arrête. Je suis passé en mode. Je me moque plus du jeu. Moi, j'accepte vraiment. On le sait. Ça n'est pas cool du tout. Bien sûr. Vous ne séduirez personne avec vos performances dans le jeu. Bon, après, quel jeu, hein? Tu dis pas, regarde, j'ai fini Mario. Personne dit, c'est wow. Vrai, c'est... Mais en vrai, peut-être plus avec ce jeu parce que au moins, oui, c'est ça. Tu sais faire un truc. Oui, voilà. Je viens de trouver une quatrième personne dans ma tête qui va adorer le jeu. En fait, on connaît tous. Mais oui, c'est pas pour vous, mais c'est pour. Toi, tu connais quelqu'un qui jouerait à ça? Toi. Ouais, c'est ça. Moi, non, ouais, ouais, en vrai. Non, je connais pas parce trop, que même je moi, je suis pas sûr de connaître quelqu'un. Non, Assier est très bonne idée de profil. Alexandre Assier, je pense que c'est ouais, complètement non, le genre bon, de truc qui ouais, peut. Ouais. Mais il dirait ah, ah. Le son qu'il fait quand il récolte une betterave, c'est un si mineur, ça me. Non, mais on va. Non, mais on va. Attends, on va carabistouiller le jeu et puis on va se. Hein, voilà. Un si mineur qui n'est qui est un accord et pas une note, donc j'ai vraiment dit de la merde. Mais... Bon bah, hey, merci beaucoup, c'était trop cool. Ah ouais, trop on a c'était parlé longtemps. Trop bien, là, ouais, bien, on a un peu. Je me dis qu'il sort après-demain et qu'il y a 2 heures d'épisode à monter. Ouais, mais c'est des gros blocs. Ça la nuit, frère, ça y a aucun problème. C'est des gros blocs à couper. Oui, bah, c'est ça. Bah, dis-moi. Mais non, juste, il me reste qu'une date. Mais ouais, alors, au petit point virgule. Mais attends, mais grand c'est point virgule. Grand point virgule. Petit point, c'est fini. Attends, c'est le 29 juin. C'est le 29 juin. C'est une date unique. J'ai fait un trailer qui a cartonné mais qui n'a pas vendu de place. Ah putain. Oh là là. Ça, c'est les réseaux, ça. Non, bah, mais tout le monde m'a dit c'est super. J'ai fait un truc genre je vais faire l'Olympia et je fais pas du tout l'Olympia, je fais ça et j'ai fait 120 000 vues et ça n'a eu aucun impact. Il reste des places, voilà. Ouais, bon, allez-y. Allez, s'il vous plaît, la Floodcast, voilà. Remplissez le point virgule de, le dernier oui. Point virgule de, d'Urbain. Voilà, parce que bon, vous avec Floodcast, vous y arrivez pas visiblement. Donc. Allez, faites ça. Il en reste qu'une, bordel. Après, je pars pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Une. Allez. Franchement, go. Let's go. Donc là, c'est cette semaine en plus. Si vous c'est écoutez. Le. En plus, je suis trop con. Je vais au Hellfest. Je dois repartir du Hellfest pour faire cette date. Et repartir. Non, par contre, ouais. Je crois que tu codes un jeu en direct pendant le spectacle. Non, ça, ça c'est la première partie que je fais. Je fais une petite démo de Balatro et de The Farmer Was Replaced. Non, mais ouais. Là où t'as été con, c'est que ton public, c'est potentiellement des gens qui vont aller au Hellfest. Non, ouais. Tout était stupide. On m'a dit, t'es libre le 29, j'ai dit bien sûr, alors que j'ai des places depuis 1000 ans. Ah ouais, j'étais pas libre. Du coup, je pars. Ah, tu vas quand même. J'aurais tellement annulé par flemme. S'il vous plaît. Bon, allez, remplissez ce point virgule, montrez qu'on peut compter sur autre chose que les métalleux. Donc en tout cas Urbain, tu as ton spectacle le 29 au grand point virgule. Oui. Donc c'est la cette semaine. Dernière date là, c'est la dernière. Dernière. Vous y allez. Remplissez-moi ce point virgule. Vous y allez. Le grand, dimanche, vous allez voter également si c'est possible, ça nous ferait quand même bien plaisir évidemment. Pas pour RN évidemment. Ah, contre le RN. Zemmour, votez Zemmour. Non mais non, Urbain, pas du tout. C'était pas ça le mec. Non. Quelque part, ça fait barrage. Oui, mais pas tant, pas tant. Si tu regardes bien, si ça se dilue stratégiquement, oui, mais peut-être. Contre l'extrême dans le doute, dans le doute. Voilà. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine et puis voilà, c'est très cool. Allez, merci tout le monde. Pas du côté du peuple. Voilà. Pas du côté des pauvres. Salut, bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.